J'adore ce titre. Karel, hey, est-ce que t'aimes bien aussi ce morceau? Bien sûr. Il va pas te dire non. Bah oui, en même temps, non mais j'aime beaucoup. Non, sérieusement, c'est un bon remix. Tu sais qui c'est la chanteuse là, sur ce titre? Ouais, c'est comment elle s'appelle? Bah oui, voilà. Beyoncé. Ah là, d'accord. On t'a aidé dans l'équipe, j'ai vu. C'est Godfroy. Attends. Si, je l'ai vu, il lui a soufflé, mais bon, on le dira pas. Pas du tout, putain, ça va, un peu de culture musicale, sans déconner. Bon, ça vous impressionne. Eh bah ouais, je savais la réponse. On a terminé ce Before Party Fun. Adri, tu reviens à minuit. Brillamment. Party Fun. Tout à l'heure à minuit. Et tout de suite, c'est Lovin' Fun avec le Doc et Karel. Ouais, et on est parti jeudi soir en direct, comme chaque soir. Merci beaucoup, les copains. Allez, bonne émission, on verra. Salut. Dans Lovin' Fun, il y a une équipe venue des quatre coins de la France pour vous écouter et vous conseiller. Doc, le médecin le plus connu de Franche-Comté. Ouais, j'ai même ma statue sur une place à Besançon et j'ai reçu le stéthoscope d'or remis par le maire de la ville. Karel de Bretagne, avec du sang de viking. Ouais, je suis un guerrier. Celui qui l'équipe tout le temps en Bretagne, je lui fais bouffer ses crêpes par le nez. Alice, la plus grosse quiche de Lorraine. Ah, mais moi la quiche, mais j'adore ça, hein. Lovin' Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Et bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio, nouvelle soirée qui commence jeudi soir, on est très content de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne journée, venez nous raconter justement comment s'est passée votre journée, là il y en a qui mangent dans ce studio à la cool. Ça merde pas lui. Ça va Kassim? Quoi, qu'il se bouffe fou, quoi. Non seulement il se tape toutes les gonzesses qui veulent bien, c'est-à-dire pas beaucoup. Et mec, elle voulait, mais je lui ai dit non. Hein. Tu te bouffes quoi là? C'est steak frites là, c'est ça? Je suis en train de me faire un sandwich avec steak, frites et fromage. C'est pas interdit de manger. Normalement, c'est un peu. Merde. Totalement. Alors, le mec qui vient de parler, c'est normalement notre producteur. Voilà. Ah, c'est que le mec il travaille beaucoup, donc forcément pendant sa journée, il n'a pas le temps de manger quoi. Exactement. On est très content d'être avec vous. Je m'appelle Karel. Doc est avec nous. Salut, bien sûr, salut à toutes et à tous. Tous les soirs, notre médecin en chef qui est venu accompagné de son suppléant, c'est son fils. Ça va, Ruben. Je présente tout le monde ce soir. Il est venu tout seul en même temps. Ça va, Ruben? Ça va très bien, et toi? T'es content de ton père en ce moment et de sa relation avec sa catoche? Bah écoute, il a l'air très très épanoui. Hein. Il fait beaucoup l'amour en ce moment, ça se sent. J'ai pas envie de savoir ça. Godfroy est à l'aria, bien sûr. Michael à la nuit. Hein. Je rappelle que Godfroy est une personne double. Et puis, bien sûr, Alice, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va. Je suis déjà connectée. Je vous attends sur les réseaux sociaux. Donc, sur la page Facebook de l'émission Love in Fun, sur le Twitter hashtag Love in Fun pour qu'on vous lise à l'antenne. Instagram Love in Fun et le Snapchat, qu'est-ce que c'est, Karel? Eh bah, ben le Snapchat, c'est Love in Fun. Bravo, Radio. Bravo. D'ailleurs, je vous annonce que si vous voulez voir la chatte d'Alice, elle est sur le Snapchat de l'émission. Qu'est-ce que tu me sors là? J'ai fait un peu ma Affida Turner. C'est ça. Pas pour toi. Affida Turner a fait le buzz. Je sais pas capable de faire moi aussi, ça. Moi aussi, je veux un peu de célébrité. Je t'assure, non, Doc. Ça, ah si, je t'ai fait ça, Doc. Je t'assure que si tu vas sur le Snapchat Love in Fun je Radio, je comprends pas qu'elle ait fait ça. Mais on voit la chatte d'Alice. Je vois la déception dans les yeux de Doc. Un animal. Bah non, écoute. Regarde. Elle fait quelques petits bruits des fois, mais c'est tout. Le Snapchat Love in Fun Radio. N'hésitez pas. Et puis au standard, bien sûr. Hein, c'est ceux qui travaillent le plus dans cette émission, Guillaume et Alison. 01 42 48 5000. On va tout de suite accueillir notre auditeur du soir, Armand, 24 ans, de Genève. Bonsoir Armand. Salut. Mais bonsoir Karel, bonsoir le Doc, bonsoir Alice. Salut Armand, tu es donc en Suisse et tu nous écoutes régulièrement toi Armand? Ben ouais, assez régulièrement dès que j'ai 5 minutes et enfin dès que j'ai surtout 2 heures à vous contacter. Ah bah oui, parce que 5 minutes c'est pas beaucoup. Armand, tu vas être notre auditeur du soir toute la soirée. Si t'as un truc à dire, tu vas pouvoir te lâcher, réagir, voilà, tout ce qui se passe pendant l'émission. Toi, tu fais quoi dans la vie Armand? Eh ben moi je suis patron d'une société familiale, enfin c'est un groupe d'entreprises. T'es patron? Mon grand-père. Ouais, t'es riche? Je suis patron. Ah, t'es, non, c'est je suis pas riche. C'est je suis pas riche. C'était l'entreprise de ton grand-père? C'est l'entreprise de mon grand-père que j'ai développée. Et puis maintenant, voilà, c'en est un petit groupe avec 5 sociétés, ma maman, mon meilleur ami, ma meilleure amie qui bosse avec moi. Et puis voilà. Ah oui, donc t'es riche. Non, mais riche. Riche de potentiel. Bien sûr. Le Doc, il a dit le vrai mot. C'est riche de potentiel. D'accord. Voilà, je suis d'accord. J'aime bien ce genre de défi. J'aime bien les gens qui sont capables, dès ton âge, de se relever les manches et de foncer dans ces directions-là. Ça manque en France. Et qui sont Ça, Ouais, mais il faut être motivé, il faut montrer qu'on en veut, puis c'est pas parce qu'on a 24 ans qu'on ne peut pas réussir. Moi, j'ai repris à 18 ans, juste après les fins de mes études, et je me suis dit, allez, maintenant, je me sors les pouces du cul. Pas dire, parce qu'on est la radio. Sûr. Lui, c'est les pouces, lui, c'est pas les doigts. Eh ben, écoute, Armand, c'est ça. C'est une spécialité suisse. Eh ben, écoute, Armand, on est très content que tu sois là. Tu vas faire un petit peu de radio avec nous. On va accueillir tous ensemble Steven. Steven, 15 ans de Dunkerque. Bonsoir, Steven. Salut, Steven. Bonsoir, Karel. Bonsoir, Alice. Bonsoir, le doc. Comment allez-vous? Ça va bien. T'es à Dunkerque 92.1 pour nous écouter là-bas. C'est la fréquence. T'appelles pourquoi, toi, Steven, Love in Fun ce soir? J'appelle pour vous dire que, voilà, hier matin, j'ai flashé sur une meuf. Ouais? Tu veux? Ouais. Et je lui ai proposé un rendez-vous. Mmh. Donc, elle a accepté. Ah, bah, donc, c'est étonnant. Ouais. Mais donc après, je m'attends à la chute. T'as vu ta gueule quand même. Oh. Non, mais j'attends la chute. Pas, attendez. Oh, je déconne. Vas-y, vas-y. Raconte, laisse-toi raconter. Si tu veux, l'après-midi, on a été dans un parc. Mmh. Donc, je voulais lui avouer que je l'aimais bien. Et sur le coup, j'ai eu mal au bide. Et j'ai voulu lâcher une pétouse qui s'est transformée en coulant. Et... Oh non. Oh, magnifique. C'est ce qu'on appelle le paix foireux. Oh là là. Comment t'as dit? J'ai voulu lâcher une pétouse qui s'est transformée en coulant. Et du coup, je suis parti chez moi en gros bolos. T'avais la merde au cul. Ouais, j'avais la croûte au cul, hein, donc un gros coulant. Ça dégoulinait. Ouais, carrément. Oh non, mais c'est horrible. Et on te suivait à la trace, je parle de l'odeur, évidemment. Non, mais attends, mais il y a un moment qu'il faut que t'expliques, c'est le moment où donc tu fais ce paix foireux. Solitude. Et que tu dis, tu lui dis quoi, Alana? Tu dis, excuse-moi, faut que j'y aille parce que ça va pas? Ouais, du coup, je lui ai dit ça et je suis parti en courant. Et quand je suis rentré chez moi, elle m'a téléphoné, elle m'a demandé qu'est-ce qui se passait et. J'ai pas voulu lui dire tu m'étonnes. Ah bah oui. J'ai pas trop voulu lui dire et aujourd'hui, je l'ai croisé au collège et je l'ai esquivé, quoi. D'accord. Ah, t'as eu honte? Mais faut pas, elle sait même pas ce qui t'est arrivé, quoi. Enfin, maintenant qu'elle écoute Love in Fun tous les soirs, elle le sait, hein. Ça c'est sûr. Ouais, là, elle écoute, hein, je peux te dire. En quoi on peut t'aider? On peut pas. Hein, tu veux qu'on lui passe un coup de téléphone? Non, surtout pas. Non, mais on va pas lui dire. Steven. Non. Non, mais Steven, il n'y a rien de dramatique. Si cette fille t'apprécie ou est un peu amoureuse de toi, c'est pas ce malheureux paix foireux qui va la détourner de toi. C'est ridicule. Ouais, va au moins lui expliquer. Attends, je vais te dire, ça arrive à peu près à tout le monde, ce genre d'aventure. Ouf. Ah bon, Doc? Non, mais bon, je pense que tout le monde a un trou du cul et un tube digestif. Donc tout le monde sait de quoi il s'agit. Oui. Bon, c'est quand même pas, il n'a pas manqué de respect, il l'a pas fait exprès. Enfin, techniquement parlant, Doc, je suis obligé de te poser la question. C'est vrai que comment se prévenir d'un paix foireux? On ne peut pas en fait. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, vous avez tous une capacité d'analyser entre la présence de matière. Je suis désolé pour ceux qui sont en train de dîner. Ah bon appétit, Cassie. La présence de matière dans le tube digestif qui est assez solide et qui donne. Si tu as envie d'aller aux toilettes, tu le sens et tu sais ce qui va venir. Et le gaz qui, effectivement, ne donne pas le même ressenti. Le problème, c'est que quand ces gaz sont accompagnés d'un léger liquide, qui s'appelle une légère diarrhée. Allez, ok, on arrête. Alors, c'est ça que tu veux savoir? Non, j'ai posé la question qu'il fallait pas. Ouais. Non, mais on peut pas savoir. Content en fait. De savoir quand même. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un paix foireux. Écoute, mon poteau, franchement, Alice, toi qui es une femme, on n'en parle pas. Franchement, non, tu vas pas lui parler de ça. On avait une urgence, maman était malade. Il a eu très mal au. Il faut toujours dire une partie de vérité. Ouais, donc. Il a une violente douleur abdominale. Donc la chiasse. Et c'est peu importe, elle interprète comme elle veut. Et il était obligé de se sauver. Mais laisse le mystère, ça lui plaira. Non, mais la si. Vérité. Un peu, non, mais attention, j'ai l'impression que c'est un mec qui est sorti de l'hôpital psychiatrique, quoi. Il se barre en courant, quoi. Non, attends, c'est bon. Tu lui dis un peu de vérité, mais pas tout. D'accord. Ouais. Et j'allais te demander. Oui, tu voulais me demander quoi? Ça a déjà arrivé à Alice aussi quand. Alice? Ah non, alors moi. Ouais. Non, mais Karel et Cassie, moi, j'ai ça a déjà une grosse couche de cyprine. Steven fait dans la poésie en ce début d'émission. Steven, c'est arrivé, je pense, à quasiment tout le monde. Non, attendez. Tout le monde ne le dira pas ici, dans cette émission. Mais je peux le comprendre. Steven, en tout cas, profil bas. Je peux passer la une voir. Dédicace. Vas-y. Alors, évite de donner son prénom pour qu'elle ne te reconnaisse pas, hein, quand même. Mais au moins, elle saura. Vas-y.

20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Love in Fun, tous les soirs du dimanche et jeudi, 20h, 22h, hein, 01 42 48 5000 pour nous appeler. Dans un instant, on sera avec Gabin. Alors attention, parce que Gabin a une technique de masturbation particulière. Oui. On va voir. On va voir ça dans un instant. En attendant, on lit vos messages sur les réseaux sociaux. Hashtag Love in Fun sur Twitter, le Snapchat. D'ailleurs, beaucoup de messages sur Snapchat, puisque je vous ai dit que si vous vouliez voir la chatte d'Alice, c'était complètement possible sur le Snapchat de l'émission Love in Fun Radio. Et ils sont très, très étonnés. Hein. Ah bah, ils s'attendaient pas à ça, en fait. Hein. Ah bah, je dévoile tout. Ah oui, oui. On lit quelques messages, c'est parti. Un message de Léo sur le hashtag Love in Fun. Encore une soirée pour kiffer, vous allez nous manquer ce week-end. Un autre message de Clara. Je vais bientôt partir à l'étranger avec l'école et du coup, je sais pas comment je vais faire pour vous écouter. On fait comment quand on n'est pas en France ? Ah bah funradio.fr. Funradio.fr sur internet bien sûr et ou directement sur l'application que vous téléchargez, l'application Fun Radio. Je rappelle qu'on est filmé tous les soirs pendant les deux heures puisqu'on est en direct tous les soirs, donc n'hésitez pas sur l'application ou funradio.fr. On va accueillir Gabin, t'es là ? Oui. Ouais, je suis là. Salut Gabin. Salut mon Gabin, t'as 16 ans, t'es à Montpellier. Voilà. Alors tu es un adepte de la masturbation. Voilà, un gros adepte de la branlette. Ouais. D'accord, ouais. T'aimes ça la branlette ? La branlette c'est ton dada. Ah oui, mais c'est la vie en fait, ça remplace une femme. Ça remplace une femme. Ah, je ne le pense pas. Alors, tu verras quand on aura une, tu verras que c'est pas pareil. Et à quoi tu penses quand tu te masturbes ? Ah, je peux pas le dire. à des filles, forcément. Ah, mais... Oui, bah oui. Tu vois qu'elles ne sont pas si irremplaçables que ça. Et tu penses à des stars ou pas, des fois ? Non. Non, tu penses à qui exactement ? Ah, je peux pas le dire. Pourquoi, c'est quelqu'un qu'on connaît ? Quelqu'un de sa famille ? Oui. C'est quelqu'un de la radio ? Oui. C'est quelqu'un qui est à côté de moi ? Non. C'est quelqu'un qui travaille après nous ? Non, qui est parti. Qui est parti ? De... Ouais. Qui est parti ? Moi, de qui ça ? Qui était là l'année dernière avec vous ? Ah, Cécile ! Oui ! Ah, bah, tu sais qu'elle m'a... Ah bah oui, Cécile qui était au standard avec nous. Là. Tu sais qu'elle nous a montré ses seins, là, il n'y a pas longtemps. Là. Elle s'est fait opérer. Parce qu'elle a été opérée. Elle oui, bien sûr, bien réduction sûr. Réduction mammaire, c'est pareil. Ah bah j'ai vu sur Snap, ces seins, ils sont pas mal. Hein. Ah mais elle les a montrés ? Ouais, c'est de la qualité. Hein. Ah mais d'accord, j'étais pas au courant. Ah bah il les connaît bien, à chaque fois qu'il se masturbe, il se passe l'image. Ah ouais, d'accord. C'est donc... ça donc, mais quoi en... non. Bref, ta technique, c'est quoi ? Ah, alors moi, en fait, genre, je m'assois genre 5-10 minutes sur mon bras. Et en fait, j'enlève mon bras au bout de 5-10 minutes. Et en fait, quand je me branle, bah, j'ai l'impression que c'est une fille qui me branle, en fait. Oui, parce que... Il se coupe, il se coupe la circulation. Ah, donc j'ai l'impression. Oh là là. D'accord. Ouais, bravo. Putain, merde. Putain, et toi, Gabin, t'es un tordu. Hein, ouais. Hein mon Gabin. C'est-à-dire que tu te coupes la circulation sanguine, hein, pour ensuite faire croire que ton bras est un peu mort. Ouais, t'es anesthésié. Et après, tu te tires sur le truc. Ouais, ça fait un peu mal, mais après, ça va. Oui, parce que quand le membre. Et à nouveau, revascularisé, c'est un peu douloureux. Moi, j'avais entendu parler d'une technique avec un gant de toilette, en fait, que tu remplis de nouilles. Oh, les nouilles, ouais. Ouais, non, mais les nouilles dans le gant de toilette. Ça doit être immonde. Bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. Mais concrètement, vous voyez mettre un pénis dans des pâtes? Je vais te dire un truc. Je sais pas. Si j'en parle, c'est pas anodin. C'est parce que j'ai un pote à moi qui l'a fait. Oui, le fameux pote, ouais. Ouais, non, mais il est avec nous. C'est Ruben, le fils du doc. Il a déjà essayé. Non mais sans déconner. Ruben, tu viens de me regarder en me disant je l'ai fait. Ruben. Non. On en avait parlé il y a 2 ans. Et alors, tu l'as quand même fait, même si c'était il y a 2 ans. Non, moi je l'ai pas fait. Ouais. Vous ouais. Vous avez fait croire. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Il fait croire. Il assume pas. Hein, il assume pas à la radio. C'est toi qui as fait la nouille, à vous. Non, mais bien sûr. Alors, Gabin, je connais pas la cuisson des nouilles, mais tu mets les nouilles dans le gant de toilette. Il paraît que ça fait comme si t'étais dans un vagin. Enfin, bah bon, dis donc, c'est flatteur. Je suis désolé, les filles. Hein, bah, c'est mais bizarre priori, quand même. Non mais je sais pas après. Tant que tu mets pas du ketchup dedans. Oui bah, voilà. C'est ça quoi. C'est bon. Bref. On va éviter. Mais bon, il y a pas de mal à se faire du bien, Doc. Pourquoi pas. La masturbation, oui. Enfin, oui, bien sûr. Ah oui. Dites-nous si vous avez une technique particulière. N'hésitez pas, gamin. Comme ça, tu pourras en avoir une de plus. En attendant, ouais. Je souhaite de bien t'amuser. Je te donnerai le Snapchat personnel de Cécile. Hein. Je laisse ici sous.94. Ah ok, d'accord. Il est déjà au taquet. On a Armand, bien sûr, notre auditeur du soir qui veut réagir. Armand, ouais. T'as un truc à dire sur la masturbation, toi. Ah ouais, non mais alors moi j'ai pas du tout les mêmes techniques que vous hein. Quelle est ta technique? Alors moi la technique c'est la meilleure technique du monde. Je pense à un mec, bon moi j'aime les hommes donc du coup voilà, c'est plus facile pour moi, mais moi je pense à un mec avec des plaques de chocolat bien dessinées, genre toi Karel en fait. Ah bah non, Dis-le, tu penses à Karel. Ouais, voilà, à peu près. Ah oui, ah ouais, d'accord. Tu fantasmes sur Karel. Ah, mais les plaques. Mais en plus, moi, j'aime bien les mecs matures, mûrs dans l'âge en plus. Comment tu dois le prendre? Karel, c'est si fort. Ah, bah attends, il a des. Là, il est en train de se caresser la barbe et se dit, je me fais prendre par quel bout là. Non, attends, mature et mûr, écoute, je savais pas que je donnais ce sentiment-là aux gens. En tout cas, la voix, c'est ce que tu donnes. D'accord, bah écoute, Armand, voilà. Je suis bien content que tu te masturbes en pensant à moi. Physiquement, t'es quand même attirant, même pour un homosexuel. Voilà. Écoute, mais j'ai toujours eu beaucoup plus de succès avec les hommes qui se voyaient qu'avec les filles. Eh ben, bah oui, bien sûr. Questions, hein. Ben non, ben ça carré, non mais j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Ne t'inquiète pas. Armand qui n'interviendra plus dans l'émission ce soir. Voilà, c'était notre auditeur du soir. Armand, reste avec nous. Je te fais une grosse bise. Mon gabin, tu reviens quand tu veux avec une autre technique. Ouais. C'est pas si possible de passer de bonjour à Cécile, du coup. Eh ben, c'est fait. Et c'était pour nous dire aussi qu'elle nous manque beaucoup au standard, parce qu'avant, elle avait une voix sexy quand on décrochait le téléphone. D'accord, mais on s'en va te donner son téléphone pour Oui, oui. Elle a une belle voix aussi. Ouais, ouais. T'inquiète pas, elle va très bien, en tout cas. Elle était encore avec nous il n'y a pas longtemps, là. Sarah, 21 ans de Soissons. Bonsoir, Sarah. Salut, Sarah. Bonsoir, Karel. Salut, Ali. Salut, Doc. Salut. Sarah, c'est l'appel à l'aide avec toi. De quoi on va parler dans un instant? Pourquoi t'as besoin d'aide? Alors, j'aimerais renouer l'amitié que j'ai avec ma mère. D'accord, ok. Bah, c'est pour ça qu'on a créé l'appel à l'aide, hein, justement pour vous aider à vous réconcilier. Et pas que ça d'ailleurs, hein. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, 01 42 48 5000. Voici Kung sur Fun Radio, c'est Don't You Know. De l'année, hein, le DJ français DJ Fun Radio Kungs et Don't You Know. Please help me. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide tous les soirs sur Fun Radio. Quand vous avez besoin d'aide, appelez-nous tout simplement. C'est aussi simple que ça. 01 42 48 5000. Et on prend tous les appels à l'aide. Hein. S'il y a un petit souci dans votre vie, vous voulez venir en parler. À partir du moment où vous vous sentez voilà, un petit peu désuni face à une situation, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'aide. Nous, on est là tous les soirs sur Fun Radio dans Love in Fun. Et ce soir, on va aider Sarah. Elle a 21 ans. Bonsoir, Sarah. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Alice. Bienvenue. Tu fais appel à nous ce soir. Pourquoi tu as besoin de Love in Fun et de l'appel à l'aide? Alors, c'est pour m'expliquer avec ma meilleure amie et voir s'il y a possibilité de réconciliation. Et pourquoi? Oui. Alors, parce qu'en fait, je vous explique, c'est une très longue histoire. Ça date un peu de l'année dernière. Donc, l'année dernière, j'avais un copain. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Donc, je lui annonce que je souhaite partir à l'étranger pour faire jeune fille au pair. Donc, suite à ça, on s'est séparés. Et en fait, donc j'ai rencontré un garçon, donc le grand frère d'une copine à moi. Et donc, on s'est très bien entendu. On a commencé à parler ensemble. Donc, c'est plus et plus. Et en fait, ma meilleure amie est partie en vacances avec lui et mes copines. Donc, apparemment, ils auraient eu une relation pendant que moi, j'avais une relation aussi avec lui. Ah, bah voilà, encore une copine sympa. Hein oui, petit truc sympa. C'est-à-dire qu'il couchait avec ton mec, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as su? Bah en fait, j'étais en Espagne, je suis rentrée pour les fêtes de fin d'année. Donc, je décide de faire le jour de l'an, un peu avec tout le monde. Donc, je faisais ma soirée avec mes amis et ma famille en même temps. Sauf que Perrine, du coup, elle m'a suivie pour faire le jour de l'an. Et ce fameux mec qui s'appelle Kevin, en fait, en gros, j'avais décidé de plus lui parler puisque on était trop loin. Et puis même, je reparlais à mon ex, donc du coup... Je m'étais dit à faire classer, on passe la fête. Et en fait, en gros, on arrive au jour de l'an, ils ont commencé à s'embrouiller. Donc du coup, la fille chez qui on était, elle nous a demandé de partir. Donc du coup, dans la voiture, elle m'a avoué, elle m'a dit oui, j'ai couché avec Kevin, nanana. Sauf que en fait, pendant 6 mois, elle m'a menti, elle m'a pas dit la vérité. Et après, en y repensant, en parlant avec mes autres copines, j'ai su que oui, on avait une grosse disquette, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est ma meilleure amie depuis la maternelle. Chez moi, elle est considérée comme ma sœur, du moins. Ok. Elle vient toujours chez moi. Bien sûr, Sarah, comme tous les meilleurs amis, quoi, c'est-à-dire inséparable. Voilà, et là, depuis, en fait, tu lui parles plus. Non, du coup, je lui parle plus. Tu veux te réconcilier avec elle ce soir, tu veux qu'on t'aide? Ouais, c'est ça. Ce qu'on fait, Sarah, on l'appelle et on intervient dès qu'on sent qu'il y en a besoin, d'accord? D'accord, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti, on est tous derrière toi, Sarah, et j'espère que ça va le faire. On appelle Perrine, ta meilleure amie, enfin ton ancienne meilleure amie. C'est ça. Ça va le faire. Ouais. Allô, Perrine, te dérange pas? C'est qui? C'est Sarah, c'est bien. Ah, c'est pas toi, on m'a inconnu. Ah bah oui, mais en fait, je t'explique la situation. Donc si tu peux me donner des explications et te pardonner sur ce que tu m'as fait vis-à-vis de l'année dernière, tu sais très bien de quoi je parle. Ouais. Et? Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? On en a déjà parlé. Bah non, t'en as pas vraiment parlé. Ce que tu as su me dire, c'était juste tu me manques, tu m'as jamais dit pardon. Bah alors si tu veux, excuse-moi, mais bah voilà quoi. Enfin, je trouve que c'est pas pardonnable, donc je vais pas te demander de me pardonner. Bah si, ça peut être pardonnable. Attends, on se connaît depuis nous d'al temps, tu sais très bien que t'étais comme ma sœur. Que tu peux imaginer une seule fois le mal que ça m'a fait. Après, là, à l'heure actuelle. J'ai eu du mal, c'est sûr qu'en Espagne, on s'écrivait, et encore tu sais très bien que c'était largement vite fait, puisque même tu disais à tes parents et à ma mère que je te répondais pas. Mais quand je suis rentrée en France, j'ai repensé à plein de trucs, et je me disais, ah ouais, franchement, vous m'avez bien pris pour une con, quoi. Et une fois, je me rappelle, j'étais devant chez toi, je t'ai demandé de t'expliquer, du moins, je t'ai dit, oui, s'il se passe un truc avec Kevin, dis-le-moi et tout, tu m'as dit, oh non, n'importe quoi, nanana. Suite à la fois où vous avez été dormir à l'hôtel et que tu m'avais dit non, tu vois. Et que j'ai appris que vous aviez quand même été dormir à l'hôtel. Bah oui, j'assume, je l'ai fait, donc bah oui, qu'est-ce que tu veux que... Bonsoir. Bonsoir, Perrine. Bonsoir. Bienvenue, Perrine. Tu es en direct sur Fun Radio, Perrine. Ouais. Ouais, ça va? Tu connais Fun Radio? Tu connais Love in Fun? Ah oui. Bah oui, bien sûr. C'est vrai? Moi, je m'appelle Karel, il y a Doc qui est là, Alice. Salut. Ah ouais, c'est déjà l'heure. Ah, ok. Ah bah ouais, t'es en direct. Et Sarah, ce soir, nous a appelé dans l'appel à l'aide. Et ça a l'air de plutôt bien se passer. On est content parce qu'elle nous a expliqué la situation. Voilà. Bon, bah, t'es sorti, tu t'es tapé son mec, hein, qui est pas cool. Et puis, tu avais pas dit pardon. Et je crois que c'était important pour Sarah. Et là, ça y est, c'est enfin fait, quoi. Bah oui, enfin, je trouve que voilà, moi je sais pas si j'aurais pardonné, donc en gros je me suis pas permise de m'excuser. Bah si, parce que c'est important. Reconnais que c'est aussi important pour toi, finalement. Ouais. C'est important pour toi de t'excuser. Ouais. Hein? Voilà. Mm-hmm. Dis-moi, juste pour le mec, il t'avait bien cherché ou c'est toi qui l'avais cherché? Bah on va dire que c'est les deux, hein. Je suis quand même assez honnête, grande pour faire ce que je. C'est bien, t'es honnête, parce qu'il y en a plein qui disent « Ah non, moi j'ai rien fait. » Mais comment... Moi j'ai une question, Perrine. Comment est-ce que tu faisais pour vivre avec ça? C'est-à-dire que le mec, Kevin, il couchait avec Sarah et deux heures plus tard, il couchait avec toi, quoi. Ouais. Comment tu fais pour vivre avec un truc comme ça, sérieux? Ah bah, je l'ai mal vécu, mais bon... Attends. Bah, j'y pense plus. Tu l'as mal vécu, mais maintenant qu'on se dit tout... Ah, une fois que Sarah l'a su, oui, mais... Non mais attends, le coup... maintenant qu'on se dit tout... Est-ce que d'une certaine façon, ça t'a pas excité un petit peu? Ouais, je sais pas trop. Un petit peu quand même, hein. Non mais ça arrive, ces genres de rivalité, même avec des très bonnes amies. Bon voilà, on va se taper le pourquoi, on sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, un parfum d'interdit qui était bien excitant, n'est-ce pas? Ouais, sûrement. Mais maintenant que t'en parles, tu sais quoi? Je suis d'accord avec toi, maintenant que t'en parles, c'est vrai que je me taperais bien Katoche. Il y a un petit côté interdit, un petit côté excitant comme ça. Ah, j'ai tapé ta meuf. Ouais, c'est excitant. Fais gaffe, Doc, parce que j'entends tous les soirs que tout le monde se tape Katoche. Non, ça risque rien. Ça risque rien. Ouais. Bon, et ça se termine avec le sourire, et c'est ça qui fait plaisir hein, quand même. Grave. Sarah et Perrine. J'espère que vous allez vous revoir très vite. Non mais Sarah, c'est une baisée. Ah bah oui. Bah, non mais parce qu'elle tient à toi, Perrine, donc à toi aussi de lui montrer que c'est la même chose pour toi, tu vois. Mm-hmm. Bon, on voit. Vous allez toutes les deux repasser en antenne et continuer de discuter. J'espère que Sarah, tu nous rappelleras pour vous dire que ça va un petit peu mieux là. Et l'une comme l'autre, vous n'avez plus de contact avec le mec. Non. Faut l'oublier. Ou la prochaine fois, vous faites un peu un 3. Vous emmerdez pas, quoi. Hein. Comme ça, on est tous d'accord. D'accord, les filles, on vous fait des gros bisous. D'accord. Salut. Salut Sarah, salut Perrine. Salut. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Dans un instant, on va parler d'un petit message qu'on a reçu. C'est ça, Alice? Ouais, un message d'Ophélie. Son mec, en fait, est toujours pote avec son ex et elle sait pas trop quoi en penser. Elle se demande si un mec peut réellement être pote avec son ex sans ambiguïté. Ah, c'est une bonne question, ça. C'est vraiment la question. L'amitié homme-fille, est-ce que ça perdure ou pas après une relation? Dites-nous hein, si vous continuez d'entretenir des relations avec vos ex. Au contraire, quand c'est fini, bah c'est fini. 01 42 48 5000, les montées le son. Voici Sac Noël sur Fun Radio. She feel give me the head to the floor, girl. Give me the bend over, girl, and give me the spit down to the ground. Seismic activity. Spin round me, girl, and give me the top wine, girl, and give me the body look fine, girl. Give me the coming out, waste some time, girl. Give me the body look good, girl. You ever be winning it? Turn it up right, girl. You never be dimming it. Take up your body, 'cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Watch when you bubbly. Serious thing, it and a comedy. And them say you have the comedy. So me won't get someone come trouble. Funny look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, 'cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Il assure, hein. Sac Noël, le DJ Fun Radio Trumpets. Love Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. On prend tous vos messages en considération. Dès que vous nous envoyez un message, déjà on le lit, hein, chose qui n'arrive pas partout. Je vous le dis direct. Et en plus, on vous répond, hein. Ouais. C'est en vrai, c'est pas une secrétaire, quelqu'un. Mm-hmm. Non, c'est vraiment nous qui répondons. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur voilà sur le Twitter de l'émission, sur la page Facebook de Love in Fun. On a reçu une question d'Ophélie en fait. Ouais, exactement. Elle est dans une situation un peu particulière parce que son mec actuel est toujours pote avec son ex. Ouais. Donc pour l'instant, elle sait pas trop où se placer, mais elle se pose la question, est-ce qu'un mec peut réellement rester pote avec son ex sans la moindre ambiguïté? Parce que demain, l'ex, elle se dit finalement, je le reveux, est-ce qu'il va pas sauter c'est dans ses bras? Ça va, on ça, sait va, pas. Ça va générer énormément de jalousie, c'est ça. Clair. Bah ouais. Bah pour l'instant, elle en a pas trop parlé avec lui, elle laisse faire les choses, voilà. Mais puis elle on a eu pas mal d'histoires sur cette antenne où en fait, derrière cette amitié, se cachait quelque chose. Bah, c'est pour ouais. ça, on sait jamais. Il y en a même qui sont repartis avec leur ex. Avec ouais, ouais, mais c'est vrai. C'est, je pense que chaque cas est particulier, en c'est fait. Ça. Ouais, venez nous raconter vos expériences là-dessus, là. 01 42 48 5000. On a déjà Justine, là, qui a tout de suite pris son téléphone. Et direct, elle voulait réagir. Elle a 21 ans, elle est de Grenoble. Bonsoir, Justine. Bonsoir tout le monde, salut l'équipe. Salut Justine, t'as entendu la situation d'Ophélie, qui n'est pas évident ouais. hein, par rapport à l'ex, du mec. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah moi, je pense que c'est possible de rester pote avec son ex. C'est ce qui m'est arrivé. Je sortis avec un gars pendant 9 mois. Après, on s'est perdu de vue. Et ouais. il y a à peu près un an et demi, il est revenu vers moi en me demandant si éventuellement, il y aurait moyen qu'il se repasse quelque chose entre nous. Et moi, en fait, j'ai été claire avec lui dès le départ. Je lui ai dit que bah, pour moi, c'était fini. Il n'y aurait plus d'histoire. Et du coup, après, entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis depuis un an. Et en fait, ils sont devenus potes tous les deux. Et ils font presque même, ils font le même métier. Et voilà, ils s'entendent super bien. Ils passent certains moments ensemble. Donc, il est clair, le premier? Ouais. Il est resté clair? Il a compris oui, que c'était pas possible clair. Avec toi? Ah oui. D'accord. Ah oui, il a compris tout de suite. Enfin, moi, je pense qu'à partir du moment où... Il est pas bête, le deuxième, parce que du coup, il s'est dit, pour pas qu'il me pique ma meuf, je vais être pote avec lui. C'est vrai, c'est pas comme ça. Non, mais même pas, parce que... Même pas? En fait, moi, j'étais claire avec lui, et lui, après, il a compris tout de suite, il a pas cherché plus loin. D'accord. Parce que je pense qu'à partir du moment où on est clair avec quelqu'un, qu'on lui dit les choses telles qu'elles sont, après, la personne, elle passe à autre chose, quoi. Ah, c'est... Et si elle passe pas à autre chose, on lui rappelle, c'est tout. Ah, mais t'as raison, voilà, le gars, tu l'as dit, c'est pas possible, bon, bah, il a compris, quoi. C'est ça. Et, mais, ton mec actuel, il n'en a jamais été jaloux, quoi? Non, du tout. Bah après, plusieurs fois, on est passé des moments où on était tous les trois avec d'autres potes à nous. Et il a bien vu dans mon comportement qu'il n'avait pas à avoir peur. Et que du coup, bah, il pouvait me faire confiance. Donc du coup, il n'y avait aucun problème avec ça. Il n'est pas jaloux, hein, parce que tu as des mecs qui n'acceptent même pas que leur nana discute avec un de leurs ex, quoi. Parce que c'est, Ah si, de base, il est jaloux. Si, de base, il est jaloux. Mais parce que, à partir du moment où on prouve à quelqu'un qu'il peut avoir confiance en nous, je ne vois pas le souci. Ça vous arrive de dîner les trois ensemble? Oui, oui, plusieurs fois. Après, ben maintenant, il a une copine. Ils ont un point commun. Ah oui, vous vous racontez des anecdotes oui. de position et tout. Ah bah moi, je la prenais plutôt comme ça. Non, on n'abuse pas quand même. Faut pas pousser le bouchon non plus. Ouais, bah, je comprends, Justine. En même temps, c'est cool que ça se passe comme ça. Je pense que ça va pas être le cas pour tout le monde, Sabrina. Bonsoir, Sabrina. Salut, bonsoir. Sabrina. Salut, Sabrina. T'as 30 ans et tu es de Lyon, toi, Sabrina. C'est ça. Alors, t'es déjà resté en bon terme avec un ex? Moi, avec tous mes ex, on est en très très bon terme. Je leur parle sur Facebook, je les appelle et il y en a même qui se confient niveau sentimental. D'accord. Donc, mais ça, mais ça reste, la relation reste très claire. C'est-à-dire qu'il se passe en rien, même pas des bisous, rien. Rien du tout. Moi, ouais. Je sais que voilà, il a essayé. Je lui ai dit, moi, je te préviens simplement. Soit tu stoppes tout de suite, soit moi je coupe court et du coup, en fait, il a compris. Ce qui est intéressant, c'est que lui, en fait, il voulait remettre un peu le couvert de temps en temps. C'est ça. Et bien, du coup, je lui ai dit que j'étais en couple et que c'était soit il acceptait cette relation comme ça en tant qu'amie, ou soit je coupais définitivement les ponts et du coup, il a accepté qu'on reste amis. Et voilà, c'est quelqu'un qui se confie beaucoup à moi. Et comme moi, je peux me confier à lui maintenant. Et franchement, c'est super d'avoir une amitié comme ça. Bon bah donc ça, oui, on peut rester amis avec ses ex. Bah ça, c'est franchement cool hein, quand ça se passe comme ça. Continuez de réagir. On va continuer d'en parler parce que ça appelle beaucoup là au standard 01 42 48 5000. On aura aussi à Alison en réaction. On sera aussi avec Johan ce soir. Attention, Johan, 22 ans de Lyon et un vrai témoignage hein, sur Fun Radio. Bonsoir, Johan. Salut. Salut. Ah, j'étais un petit peu pris au dépourvu là. Hein. T'étais en train de bouffer des caouettes, je sais pas quoi là. Hein. Alors, Johan, raconte un petit peu là. Qu'est-ce que tu vas nous dire dans un instant? Bah moi je vais vous raconter un peu mon histoire. Parce que j'ai quand même frôlé la mort. D'accord. Et puis j'ai eu un peu de mal à en parler au début. D'accord. Puis du coup,

sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté, repose-toi, ma beauté, repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté, repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. 20h, 22h, 01 42 48 5000. Love and Fun avec Doc, Karel et Alice. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio en direct, hein, du dimanche au jeudi 20h-22h. Tout le monde écoute cette émission. Tout le monde, même Katoche. Oui, et d'ailleurs, elle m'a envoyé un petit message. Alors, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai dit que je sais même plus pourquoi j'ai dit ça, mais si, exactement, j'ai parce dit qu'en que fait, j'ai demandé à une des filles si finalement ça l'excitait pas de se taper le mec de sa copine. C'est vrai. Et du et coup, là, d'un seul coup, tu me dis. Bah je me proposais de voilà de, parce réponse, que ça, réponse, ça m'excitait de faire l'amour avec Katoche. Même pas en rêve se taper Katoche, c'est elle. Elle te présente ses condoléances. Désolé. Non, mais attends, on en avait voilà. parlé, on avait parlé avec Catherine. Non voilà, mais je te le dis que... même pas en rêve. Non attends, elle me l'a mis. Je le lis. Et, c'est et, bien elle. Et est-ce qu'elle a rajouté des petits cœurs parce que j'avais dit de mettre des petits cœurs. Non, ça, oui, à moi elle me les a rajoutés. Ah oui, mais pas à toi. Okay. Alors moi elle c'est m'a codé. Elle m'a envoyé un message en me disant c'est quand tu veux mon carrelou. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire hein. Non non, même pas en rêve. Je monte le téléphone et le message, bien sûr. Je monte le mien. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vu. Attends, vas-y, donne-moi ton téléphone, vas-y, fais voir que je regarde les messages que t'as envoyés avant. Hein, qu'on se marre un peu là, sans déconner. Non, attends, ah, ouais. C'est top secret. 01 42 48 5000. À tout moment, un gage pour Doc, on lira son téléphone portable à l'antenne. Hein, tous les messages SMS. En attendant, on continue de parler d'Ophélie. D'Ophélie qui nous envoie un petit message. Elle est toujours pote avec son ex. Et du coup, elle se demande si un mec peut réellement rester ami avec son ancienne copine sans qu'il y ait d'ambiguïté. Ça continue de réagir avec Alison, 18 ans de Laval. Bonsoir, Alison. Salut Alison. À Laval, est-ce qu'on reste pote avec ses ex? Ah bah moi concrètement, bon bah je peux pas te prendre l'exemple de mon copain parce que du coup j'en ai plus depuis peu, mais il n'était pas question qu'il reste pote avec son ex. Son ex c'est ton ex, il n'est pas question, ah non jamais. Ah bah non, c'est pas possible toi. Hein. Ah non. Un ex c'est un ex, oui. C'est fini, on passe à autre chose. Là à la limite, il viendra revenir, oui c'est pas pareil parce que ça fait une semaine, mais bon concrètement non, de base ses ex je lui reparle plus. Tu es jalouse? Énormément. Ah oui. Beaucoup trop. Ah ben, ça s'entend. Ah, beaucoup trop. Parle bien dans le téléphone, ma chérie, en direct à 10 km. Ouais, excuse-moi. C'est pas grave, c'est beaucoup mieux. Et du coup, Alison, tu n'accepterais pas que ton mec ait une relation d'amitié avec son ex? Ah bah non, moi je serais tout le temps en train de me dire, elle veut le récupérer, c'est mort. Il est à moi, point final, maintenant, voilà. Enfin, toi, moi, Alice, je parle pas à mes ex. Tu acceptes qu'un des, voilà, ton mec, il entretienne toujours une petite relation amicale avec son ex? Bah, ça me dérange pas plus que ça. Après, ça dépend, il y a des ex, c'est vraiment des connasses, quand même. Ah. Et tu vois, le genre de l'ex qui... te dit bon bah c'est bon, je suis très contente pour vous, mais qui quand même aime bien te lancer des petits pics pour te faire comprendre que j'étais là avant et ce que tu as fait avec lui, moi je l'ai fait la première. Ah, tu ouais, vois, ouais, ça ouais, des ouais. fois, voilà. Mais on remarque dans tous les témoignages qu'en fait tout dépend du mec. À chaque fois, là, tous les témoignages qu'on a eu, elle disait bah mon ex, il a tenté avec moi, je lui ai fait comprendre que non. Depuis, on est potes. Donc c'est normal. Finalement, on se rend compte que les mecs sont encore une fois très faibles. Bah, voilà. Je crois que t'as raison. C'est marrant parce que moi j'aime bien avoir le témoignage inverse. On n'a pas le. On n'a pas de mec. Bah oui, c'est. On n'a pas de mec. Ils n'osent pas se prononcer. Ah, on a un mec à l'instant, c'est Jess. Bonsoir, Jess. Moi, je suis une fille. Non, on a besoin d'un homme, donc tu seras Robert. Robert, bonsoir, Jessica. Bonsoir, Jessica. T'as 24 ans, t'es à Lyon, toi. Ça, oui, salut, Jess. Ça. Tu peux garder une relation avec un ex Eh ben, moi, voilà. Moi, j'ai gardé ma relation avec mon ex. Mais par contre, comme je suis très fidèle, j'ai présenté à mon chéri actuel. Je lui ai présenté. En plus, il a une copine. Je lui ai dit qui c'était, etc. Et voilà, maintenant, tout roule. D'accord, mais il s'était passé combien de laps de temps entre les deux mecs Non, il y avait quand même plus de 5 ans. Hein, c'est ça aussi, ça joue, quoi. Je veux dire, une fois qu'il y a des années qui sont passées, bon... Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait d'être transparent, quoi. Le fait de dire, bah voilà, ouais, je suis pote avec mon ex, mais je te le rencontre, voilà, vous pouvez parler, tu peux te rendre compte par toi-même qu'il n'y a rien d'ambigu. Et c'est ça aussi qui rassure, je pense. Mais c'est possible donc pour toi, Jess. Ah oui, puis en plus, ils jouent ensemble sur FIFA, et puis par contre, moi, c'est l'inverse. Ça rapproche. Mon chéri, je ne veux pas qu'il parle à ses ex. Voilà. Ah oui, tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que là, quand même, c'est pas très juste. C'est vrai, mais j'ai du mal à lui faire confiance, donc du coup. Tu penses qu'il pourrait être trompé facilement? Bah, j'ai des doutes, ouais. Mais attends, je vais te dire, qu'il y ait des ex ou pas d'ex, si t'as des doutes, il finira par te tromper. Hein. Ouais, je sais bien. Tu veux qu'on le teste? Non, c'est bon. Ah, parce qu'on peut le faire, hein, tu sais, dans le sexy chocolat à tout moment pendant l'émission. Est-ce que t'as déjà des doutes? Moi, j'y penserai une fois. Est-ce que tu penses qu'il t'a déjà trompé? Non, je pense que non. Mais comment tu fais pour le surveiller? On peut pas savoir. Si, le surveille, je sais qu'elle le surveille. Tu le surveilles? Non, je le surveille entre guillemets, mais il m'empêche de voir son téléphone, alors c'est compliqué. D'accord, mais tu vas quand même voir ses messages sur Facebook. Il n'a pas Facebook. Il n'a pas le droit. Il est malin. Ouais. Par contre, il a Appen, il a Tinder, il a Grindr, il a tout. Il a la totale. Adopte un mec, adopte une meuf. C'est... Non, mais Jess, après, si jamais t'as vraiment besoin, on le fait. Je te jure. C'est une question de confiance, quoi. C'est important. Ok, ma chérie. D'accord, merci. Je te fais des gros bisous. Ça sert à rien d'aller fouiller chez l'autre. Ah ouais, mais Doc, des fois, c'est plus fort que toi quand t'as des doutes. Hein. C'est terrible. Hein. Ah bon? Ah ouais. Moi, j'ai déjà fait. Tu as fouillé? J'ai fouillé une fois. J'avais fouillé dans un blouson et tout. Moi, j'avais chopé. T'as trouvé quoi? J'avais chopé un petit mot. En fait, c'est vieux. Hein. Et en fait, c'était le mec qui lui avait écrit un petit mot en lui disant j'ai adoré passer la nuit avec toi. Enfin voilà, et avec des détails et tout. Ça, sérieux. Avec des détails. T'es fait enfler, quoi. Le mec, il s'appelait Ederne. Je m'en souviens. Ederne. Oh, merde. Ah putain, sans déconner. Putain. C'était avec Malvina. Ah putain. Encore elle. Ah, oui. Ah, décidément, elle t'a brisé celle-là. Bah, je l'embrasse. Si elle écoute. J'ai plus de nouvelles depuis. Bizarrement. On a Théo qui est avec nous. Salut mon Théo. Salut Théo. Salut Karel, salut l'équipe. Salut Théo. T'as 13 ans, t'es à Valenciennes. Oui. Et il y a la nouvelle extension de World of Warcraft à gagner là, c'est Légion. Ça te plairait? Ouais, ça me plairait. Ah, tu m'étonnes. Défi, fallait pas demander. Il va falloir poser une question qui va énerver quelqu'un. Tu as choisi qui, toi? J'ai choisi ma tante. Ok, tu vas lui demander quoi, Tati? Je vais lui demander si elle peut me montrer ses seins. Ah, okay. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. C'est énorme. Dans un instant sur Fun Radio, défi, fallait pas demander. On le fait en live, bien sûr. Et voici Sigala, Give Me Your Love sur Fun Radio, Love in Fun. Maybe selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. Leçon bien cool de Sigala, Give Me Your Love sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Tous les soirs à 21h, on fait un défi. C'est le défi Fallait pas demander. Et ça c'est unique. Hein. Uniquement sur Fun Radio, vous venez poser des questions à vos proches. Hein, des questions que qui sont censées les énerver. Et vous êtes très très fort niveau créativité parce que chaque soir vous arrivez à nous étonner. Si vous arrivez à énerver la personne de votre choix, vous repartez avec la nouvelle extension de World of Warcraft Légion. Et ce soir notre champion s'appelle Théo, 13 ans, de Valenciennes. Bonsoir Théo. Bonsoir, salut Karel, salut l'équipe. Salut Théo. Alors Théo, ce soir une petite question. Oui, je vais demander à ma tata si elle peut me montrer ses seins. Bien sûr, mais ça va, ouais. Totalement normal. Pourquoi tu... Non, mais il va falloir que tu expliques et tout. Pourquoi? J'imagine que t'as tout prévu. Tout est prévu. Bien sûr, Théo. T'as déjà vu une paire de boobs? Non, vu mon âge, non. D'accord, hein, c'est vrai qu'à 13 ans, enfin, si, t'en as vu à la télé, quoi. Oui, voilà. Hein, ouais, à la télé. Et pas qu'à la télé, sur ton téléphone, il y a quelques petites photos qui traînent, hein, j'ai l'impression. Hein, Théo? Non, d'accord. Sur mon téléphone. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Théo, on y va, on appelle de suite ta tata. Elle s'appelle Anne-Sophie. Oui. On y va. Elle a 37 ans, Sophie. C'est parti. Allô? Oui, allô, tata? Je te dérange pas? Non. C'est pour te demander... j'ai une question. Pourquoi tu me... Ouais. Tu pourrais me montrer tes seins? Pour voir à quoi ça ressemble. Et ma main dans ta gueule, tu la veux? Non. Mais j'aimerais les voir, surtout. Ouais, ouais. Et surtout les toucher. Ça serait mieux. Eh, mais t'es pas bien? Bah, arrête de discuter, passe à la maison et montre-moi tout ça. Non, mais t'es malade ou quoi? Tu te fous vraiment de ma gueule? Bah, montre ton cul alors si tu veux pas montrer tes seins. T'es vraiment malade. Et dis-moi, je pourrais les prendre en photo, il y a mon meilleur ami qui veut les voir aussi. Non, mais attends ta gueule que tu résistes. Alors, elle est d'accord? Oh, toi. Et puis ton ami est derrière? Bah ouais, il est avec moi. Elle est d'accord? Ouais, t'es d'accord. Bah non, elle veut pas. Elle veut bien, et tu m'as dit qu'elle était super chaude, ta tante. Bah ouais, mais là, je sais pas, elle a pas envie. Oh merde. Toi, je vais débarquer à la maison et ça va aller très mal pour toi. Allô, madame? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est toi, la tata qui est chaude? Ouais, ouais. Et toi, je vais débarquer chez toi aussi. Je vais te foutre ma main dans ta figure, tu vas voir. Oh, je suis chaude. Oh, c'est super, ça. Et tu t'appelles Anne-Sophie? Ouais, ouais. D'accord. Si je te donne 50 boules, tu montes tes loches? Et toi, comment tu t'appelles, toi? Moi, je m'appelle Dimitri. Ouais, bah, Dimitri en plus. Ouais. Eh ben. Avec Théo, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est prendre des photos de toi toute nue, comme ça on peut les revendre au collège. Ouais, les revendre au collège, mais vous avez encore du lait qui sort au bout de votre nez, là. Mais... Non, c'est du sperme qui sort au bout de ma tub. Tu veux goûter? Non, surtout pas, tu vois, vous êtes encore un peu trop jeune, non, ça ira. Bon, je te repasse Théo, parce que t'as pas l'air cool. Ouais, ouais. Ou alors, tu veux bien ou pas? Eh, c'est quoi ton ami? C'est quoi ton ami? Bah, c'est Dimitri. Ouais, vas-y. Tu sais quoi, Théo? T'as encore du lait qui sort au bout de votre nez, là? Et vous jouez à des jeux de quoi, là? T'as encore dû rester, là? Non. Bah non, on a juste regardé un film de boule. On a le droit d'essayer d'en créer un avec toi. T'es en train de me mettre les nerfs? Mais non, mais arrête. Moi, je veux juste voir tes nichons, c'est tout. Allez, Anso! Allez, Anso! Allez, Anso! Dis à ton copain de se taire. qui va faire aller en dessous, mais ma main dans sa figure. Anso, et est-ce que t'as des gros tétons? Montre-nous tes gros tétons. Non, mais là, je suis en train de débloquer. Allez, Anso, et... montre-nous tes miches. Allez, Anso. Il faut pas que se taire. J'ai le cerveau, il va éclater. J'ai jamais vu mon neveu parler assis, là. C'est pas mon copain, c'est mon meilleur ami. Ah oui, mon meilleur ami. Hey, tu sais quoi, je vais débarquer à la maison, tu vas l'avoir, la photo. Mais collé sur le front. Anso, je pourrais en mettre mon fond d'écran avec toi sur mon PC. C'est ça. Parce que comme ça, oui. J'échangerai avec celui que j'avais avant. C'était celui de la radio Fun Radio. Je suis fan. Ouais, Fun Radio. Tu connais? Ouais, je connais, mais... Ah bah, t'es ouais, en direct dans toute la France. En ce moment. Mais salut. Oui, Anne-Sophie. Bonsoir, Anso. Anne-Sophie. Oui. Tu es en direct, tu viens de te faire piéger par Théo. Et oui, c'était le défi, fallait pas demander. Théo devait te poser une question qui devait t'énerver pour repartir avec son cadeau. Je pense qu'on peut dire que pour Théo, c'est gagné. Bravo. Bravo, Théo. Oui. Ah, Anso, ça va mieux ou pas? C'est une farce. Oui, c'est une farce. Bah oui, il bien veut sûr. Pas porter ça. Ah non. Ah non, il veut absolument pas voir votre poitrine, bien sûr, Anne-Sophie. Ah ouais, non, et on se masturbe pas sur tes photos. Ah bah non, encore heureux Théo, sans déconner. Ah oui, non, c'est le défi, fallait pas demander, c'est poser des questions un petit peu choc. Hein. Ah bah ouais. Ça, c'est sûr que... Ah ouais, bah ça a été choquant. Hein. Ah bah là, oui, Anne-Sophie a été choquée. Ah, tu m'étonnes, et puis Théo, t'es pas allé de main morte, quand même. Ah non, hein, là, il était au taquet. Hein, dis donc, ah bah non. Je sais pas comment tu fais pour parler comme ça à ta tante, moi j'aurais jamais osé, hein, mais c'est ouais, le défi. Mais dommage, je vais venir à mon neveu, je crois que je vais lui tirer une paire de cheveux là. Il m'a mis la rage. Bon bah Théo, mets une casquette demain. Hein. Conseil d'amis, protège les cheveux. Anne-Sophie, on vous fait un gros bisou. Anne-Sophie, vous avez été très gentille. Aussi. Merci beaucoup. On vous embrasse très fort, Anso. Gros bisous. Et remercie ta tante, Théo. C'est grâce à elle que tu gagnes. Merci, tata, de t'avoir énervé. Mais de rien, Maloute. Mais attends, demain. Tu vas prendre cher, mon pote. Salut, Théo. Salut, Anne-Sophie. Au revoir. Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Dans un instant, c'est Johan qui sera avec nous. 22 ans de Lyon. T'es là, Johan? Je suis là. Salut Karev, salut Doc, salut tout le monde. Salut Johan, tu vas nous raconter quoi dans un instant Johan? Moi je veux raconter mon histoire, parce que j'ai frôlé la mort il y a quelques années, puis du coup je voulais partager ça quoi. Carrément, et il y a beaucoup de réactions en plus, hein, n'hésitez pas, 01 42 48 5000. On fera un petit point aussi sur le permis d'Alice, ça ouais. Avance, restez bien avec nous, et voici Major Lazer, c'est boum, c'est Fun Radio. Got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Ooh, yeah. Bought 10 bottles, bought 10 more. 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Goons will be up, they need a problem. Whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckin' day. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'll smash it. We'll come home. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan like a sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other man a gal is, I'm in stanta forever. Major Lazer, boum. Avec la sécurité routière, suivez les aventures d'Alice qui passe son permis dans Love and Fun sur Fun Radio. Et quelle histoire, quelle aventure, Alice qui passe son permis depuis des semaines, depuis des mois même, on vous en parle. Elle a eu son code, elle est en conduite supervisée, elle va bientôt passer son permis. Oui. Alice est une élève modèle. J'essaye. Non mais bravo. Alors, fais tout pour. On va voir du lourd là ce soir puisque Stéphane est avec nous. Stéphane, chef du pôle formation des usagers de la route. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bienvenue dans Love in Fun. Alors on va parler de pas mal de choses avec toi, notamment le fameux permis à points. Est-ce que tu peux nous faire un petit point? Oui, alors tout à fait. Le permis à points en fait a été mis en place en France en 1992. Alors le principe est assez simple, hein, donc c'est-à-dire que chaque permis d'usager est affecté de 12 points et que bon, il est possible de perdre, hein, on le sait bien, si on commet des infractions. Ça c'est quand on a le permis de conduire, mais pas le permis probatoire. Quand on est nouveau, on va dire, qu'on vient juste d'avoir son permis, on a ce qu'on appelle le permis probatoire. C'est ça, c'est pendant 3 ans. Oui, tout à fait. C'est ça, voilà. Donc le permis probatoire, c'est effectivement quand on vient d'obtenir le permis de conduire pour les conducteurs novices. Et là, en l'occurrence, le permis de conduire est affecté non pas de 12, mais de 6 points. Ah, t'as pas le droit à l'erreur. Premier temps. Voilà, t'as pas le droit à l'erreur, tout à fait. Par contre, il y a un système qui a été mis en place dans un second temps après la mise en place du permis probatoire, c'est-à-dire c'est un système d'acquisition progressive du point. Donc en gros, c'est un système de récompense en fait des bons comportements qui consiste à tous les ans à acquérir, à obtenir 2 points supplémentaires si aucune infraction susceptible d'entraîner des pertes de points n'a été commise. Donc c'est ce qui va se passer pour Alice, hein, une fois qu'elle aura son permis. Tous les ans, elle obtiendra 2 points supplémentaires et au bout de 3 ans, elle obtiendra 12 points. Voilà. Si elle ne commet pas d'infraction. C'est ça. Est-ce qu'on peut perdre les 6 points d'un seul coup? Alors oui, tout à fait, bonne question, parce que il y a tout un barème, hein, qui existe. En fait, on perd, plus l'infraction est grave, plus on perd de points. Ça va de 1 à 6, hein, ce barème, et comme tu l'as compris, il y a des infractions qui coûtent 6 points. Alors les principales, c'est celles qui concernent l'alcool, hein, donc effectivement la conduite avec la consommation d'alcool, surtout que cette mesure a été renforcée justement pour les conducteurs novices. Maintenant c'est à partir de 0,2 grammes par litre de sang, et bien qu'on perd directement 6 points, hein, pour les conducteurs novices. Donc effectivement là on peut perdre son permis. Tout de suite. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Là, c'était la totale. Merci beaucoup, Stéphane. Je t'en prie. À bientôt, Stéphane. Bonne soirée. Au revoir. 01 42 48 5000. Dans un instant, on parlera du chiffre d'Alice sur Fun Radio. Alors attention, ce soir, on va parler d'amour. Exactement. De faire l'amour en public. En public ? Non, dans des lieux publics plutôt. Ah oui, d'accord. Okay. Mais bon, il y a des fois des gens qui passent. Donc voilà, les endroits les plus insolites où vous avez pu faire l'amour. Ça va donner quelques petites idées là pour ce week-end, bien sûr, pour vous qui nous écoutez. Et venez vous lâcher là si vous êtes déjà arrivé de faire l'amour dans un endroit un petit peu insolite, un peu particulier. Parfois, on a tellement envie qu'on le fait où on peut. 01 42 48 5000. Le son tout de suite, c'est Galantis avec No Money. Et un témoignage de dingue aussi. C'est Johan qui est passé à côté de la mort, qui a frôlé la mort, qui va venir nous raconter comment ça s'est passé. Restez avec nous. Réagissez à l'émission sur Twitter. Hashtag LoveInFun. Quand tu dis crevard, c'est les trucs un peu de radin, quoi, en gros. Hein. Ouais, de radin, exactement. Okay. Du style, tu mets de l'eau dans ton shampoing presque vide pour essayer de garder un maximum. Ah oui, c'est ce que je vis totalement en ce moment. Voilà. C'est ça que j'ai le douche aussi. Le problème, c'est quand t'en mets dans ta main, là, ça coule sur les côtés. Ah oui, oui. Ça devient hyper liquide et en réalité, t'en as pas assez. Ouais, mais c'est pour ça que t'as des cheveux dégueulasses. C'est ça, les gars. Et soyez là à 22h parce que ce soir, on fait l'émission à poil. Oh ouais, et puis on se roule des pelles. On y va pas un peu fort sur la promesse, là? Bah non, moi j'ai envie qu'on se gâche. Marion et Anso, 22h minuit. Show. Sur Fun Radio. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique.

Galantis sur Fun Radio, No Money. 01 42 48 5000. Love Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Merci d'être avec nous sur Fun Radio. Merci beaucoup. Hein. Vous êtes très très nombreux chaque soir à nous rejoindre. Il y en a qui découvrent l'émission aussi, des nouveaux auditeurs, des nouvelles auditrices. À chaque fois qu'on parle, il y a toujours des nouveaux auditeurs. Et ben on vous salue. Merci bonjour. D'être avec salut. Nous. Voilà, tout le monde vous dit bonjour. C'est la convivialité cette émission. Et ça fait plaisir. En tout cas, ici on parle de tout. Pas de tabou. Si vous avez un truc à dire, des conseils à demander, profitez. En plus, on a un médecin qui est oui, avec nous. Oui, je suis toujours là. J'écoute. Je suis Doc. J'écoute, il y a des choses de... Enfin, j'écoute tes conneries aussi. Ah oui. Il se passe un peu tout dans cette émission, hein, clairement. Alors, juste avant d'accueillir Johan qui va nous raconter son témoignage, puisqu'il a frôlé la mort, il y a beaucoup de réactions justement. On lit vos messages sur les réseaux sociaux avec Alice. On a reçu un message de Gaëtan qui nous dit « Salut toute l'équipe, j'ai vu votre vidéo où Doc s'en prend plein la gueule avec vos papiers. Et il a raison, vous êtes vraiment des cancres, mais c'est pour ça qu'on vous kiffe. » On va vous mettre tout de suite la vidéo sur le Facebook de l'émission. Et un autre message de Mathieu qui se pose une grande question. Il dit « Si Doc et Karel faisaient un bras de fer, à votre avis, qui est-ce qui gagnerait ?» Oh, c'est gagné, c'est pour moi. C'est un galet, là. Vas-y, c'est gagné, c'est là. Pour moi. Vas-y, bon, on le fait. Bah écoutez, moi je veux bien qu'on le fasse. Hein, vas-y, on va le faire. Voilà, on fait un bras de fer. Vas-y. Et on va voir qui est-ce qui le remporte. Pas, ouais. Bah alors, je croyais que tu partais gagnant. Ah, allez, non, mais après, allez ouais. Pète-lui l'épaule. Non, attends, on a des auditeurs à qui parler. Bah oui, mais c'est justement Mathieu qui te pose la question. Vous avez vu comment il se défile le mec? Ouais, il a trop. Ouais, il y a des auditeurs. Allez, on va accueillir. Le bras de fer, il est avec ma tête. On va accueillir Johan. Johan, 22 ans de Lyon. Ça va, Johan? Ça va et vous? Ça va bien, Johan. On est très content de t'avoir. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui t'amène là ce soir et explique-nous tout. Bah en fait, moi j'avais une histoire à vous raconter du coup, parce que j'ai frôlé la mort et puis voilà, je vais partager. Et bah en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que on se chamaillait un peu dans l'appartement familial, on va dire. Et en fait, on se courait après avec mon frangin et il a fermé la porte vitrée, du coup c'est une porte vitrée. Ouais. Et moi j'ai voulu la retenir. Mais je passe à travers, quoi. Oui, travers la porte, d'accord. Multiple, enfin, plaies par verre, donc, ouais, le verre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coupe tout jusqu'à l'os, donc, nerfs, artères et tout. Oui, non, mais t'avais des artères vraiment coupées, là, faut pas dire n'importe quoi, c'est pas évident. J'avais le nerf radial sectionné, j'avais un verre de 5 cm sur la carotide. Ah ouais, attends, la carotide, Doc. Oui, mais elle a pas saigné, ta carotide. Ben non, parce que sinon tu serais hémiplégique. Non, mais attends, je comprends très bien ce que tu dis. Je comprends très bien. Moi, je perçois très bien ce que tu as vécu comme étant effectivement un polytraumatisé, c'est-à-dire avec des plaies multiples. Heureusement, le verre, dans ces cas-là, enfin j'espère, dans les grandes vitres, part un peu comme le verre des pare-brises, en petits morceaux, et pas en gros morceaux. Ouais. Mais voilà, en fait, je comprends très bien ce que tu as vécu. Tu as vécu. En fait, le truc, c'est que ces fenêtres sur ces portes vitrées-là, elles cassent pas c'est pas des verres en dessous, ça se casse pas en plein de petits morceaux, en fait. C'est des vieilles portes, mais vraiment vieilles, ah oui, vieux appartements. Et du coup, quand je passe à travers, ça faisait l'équivalent au-dessus de ma tête, il y avait une guillotine en verre. D'accord. Très ouais, bien. Okay. Alors, du coup, il y a cet accident, qu'est-ce qui se passe après? Parce que t'es en sang, c'est ça? T'as dû perdre beaucoup de sang. 97 points de suture, j'ai perdu 2 litres et demi de sang. 2 litres et demi. Mais parce que tu saignes partout. Alors qu'est-ce qui se passe après? Tu vas, j'imagine, à l'hôpital, hein? Bah ouais. Ouais, bah oui, en hélicoptère, du coup je suis déporté directement parce que c'était trop grave. D'accord. Et en fait le truc c'est que, bah bref, ils m'ont soigné, etc. Mais seulement ils sont précipités du coup sur la carotide et ils n'ont pas vu que le nerf radial était sectionné. Du coup ça veut dire que je suis resté quasi un an et demi en fait avec une incapacité totale de me servir de mon bras gauche. Oui. Donc après, ils étaient obligés de faire une greffe, c'est ça? Enfin, en fait, ils n'ont pas vu, c'est ça, embêtant. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont greffé un nerf de la jambe dans le bras. Et ça repousse. En gros, dans la jambe, je ne sens plus rien, parce qu'ils m'ont enlevé le nerf sensitif. Mais par contre, ma main, elle a récupéré 90% de sa C'est marrant, ils n'ont pas vu que le nerf était coupé, c'est étonnant. En fait, ils sont... En fait, je crois que ça s'appelle un névrome. Ça a poussé en boule. J'explique. Quand le nerf est coupé, là où il a été coupé, normalement, ils auraient dû le suturer pour qu'il puisse repousser dans la gaine. D'accord? Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont oublié. Donc, du coup, là où c'était coupé, il y a comme une tumeur, comme une nerveuse qui a poussé et qui va déclencher de très violentes douleurs. c'est ça? Allô? Oui, ouais, voilà. En fait, la névrome, cette tumeur bénigne, va déclencher, hein, parce que ça pousse de très très fortes douleurs, évidemment, et le nerf n'est pas réparé. Ça, c'est l'autre chose. Ouais, le traumatisme, hein, pour toi, Johan, à cause d'un truc tout con, en fait. Hein, ah ouais, bah, en fait, on se chamaillait juste avec mon frère, quoi. On se court après, puis ça traverse la vie. Par sécurité, maintenant, les portes en verre, comme ça, sont sécurisées avec des films qui permettent qu'il n'y ait pas des gros morceaux qui cassent, mais que ça casse, comme ça s'appelle, le verre sécurite. Le truc est dingue. Par un petit morceau qui fait que c'est moins dangereux. Le truc est dingue, c'est que ta vie, elle peut basculer en deux secondes, quoi. C'est voilà. Oui, c'est terrible. Oui, il y a des gens qui se tuent en tombant dans leurs escaliers. Ah ouais, c'est ça. Qui tombent dans l'escalier et qui se tuent. J'avais raconté l'histoire où, tu sais, ma meuf, elle avait laissé le gros couteau de cuisine, c'est le couteau pour découper le poulet et tout, au-dessus du frigo, et je cherchais les sacs plastiques, et le couteau, il est tombé à rien de ma tête, quoi. Et je m'étais coupé d'ailleurs, Doc, tu m'as fait les points de suture et tout. Ah, je me souviens, tu avais fait plus soin de ma main. Tu m'avais fait un petit bisou dessus, d'ailleurs. En fait, c'est pour ça que pour les enfants, on dicte des règles de sécurité qui sont extrêmement drastiques, parce que un accident est arrivé en quelques secondes, et alors qu'on l'avait pas vu. Alors, Johan, du coup, il y a eu énormément de réactions, on va accueillir tout le monde. Julien est avec nous aussi, 21 ans d'Annecy. Bonsoir, Julien. Salut, Julien. Allô. Salut à toi, Julien. Ça va bien, tu voulais nous raconter aussi une histoire qui t'est arrivée, toi. Ouais, c'est ça. J'ai aussi frôlé la mort. Bon, c'est un peu moins ouf que notre copain. Moi, je bossais dans une entreprise où il avait des voitures et on les convoyait. Et du coup, j'avais ma poche, je voulais rentrer chez moi un midi pour pour manger et puis pour aller geeker à The Last of Us. Du coup, j'ai roulé un peu plus vite. Puis sauf que il pleuvait des cordes et dans un virage, ça a pas vraiment fait. Et l'arrière, il est parti. J'ai atterri le nez dans des graviers là où j'ai balancé un coup de volant et ça m'a remis droit. Et tout en même temps, je suis passé entre un pilier en béton, un arbre, défoncer une clôture grillagée, scellée sous béton en prime avec une boîte aux lettres, et j'ai sauté un petit muret pour me garer dans le poulailler. Et une belle performance de cascadeur. Tu n'as pas été blessé? Non, pas du tout, j'ai rien eu du tout. C'est une voiture récente ou pas? Non, c'était une Mégane. Récente quand même. C'était pas un carrosse, Doc. Les habitacles sont hyper protégés, en fait. C'est ça qui est pas mal. Ah, heureusement. C'est déformable énormément à l'extérieur, donc la voiture était morte. J'ai juste défoncé le berceau, niqué trois radiateurs, donc qui m'a valu 300 balles dans une casse. Ouais. Et par contre, merci et papa et maman pour ce grillage qui m'ont payé à 1200 euros. Et puis surtout, merci la vie, hein, parce que t'es toujours parmi nous, quoi. Merci la vie aussi. Il y a bon nombre d'accidents comme ça qui se font, qui sont tout cons, hein, les routes que tu connais mal, tous les jours. Reste avec nous, Julien. Yannick aussi est là, veut réagir. Bonsoir, Yannick. Salut, Karel. Salut, tout le monde. Salut, Yannick. T'as vécu toi aussi une expérience traumatisante? T'as frôlé la main? Ouais, de très très près, en fait. En l'espace de deux phrases, j'ai balancé à ma nana que sa coiffeuse l'avait ratée et qu'elle avait pris du poids. Et je me suis retrouvé sur le lit, elle me faisait une clé de bras et elle avait le genou sur la nuque, en fait. Ah putain, qu'il est con! Parce qu'en fait, elle était championne de karaté ou de judo, ta copine? Non, c'est une femme! Non, elle s'était faite agresser, elle avait fait du sport de défense, tu sais, le gros défense. Krav Maga! Elle m'a fait une clé de bras, j'ai rien compris, et j'avais son genou sur la nuque. Il est con! Bien sûr, alors, si tu dis à ta meuf que sa coupe est ratée, c'est sûr que tu frôles la mort à chaque instant. On est bien d'accord. Elle ressemble à Philippe Gildas, quoi. On l'embrasse, dis donc, tu as des goûts particuliers. Sa coiffeuse est mauvaise, j'y peux rien. Yannick, reste avec nous, il y a Armand aussi, notre auditeur du soir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Armand, il est pompier volontaire. Donc j'imagine, Armand, que tu as déjà été sur des accidents parfois, des choses ouf. Plutôt, Karel. Alors non, en Suisse, on n'a pas les accidents, on fait pas les accidents de la route, on fait pas non plus les ambulances. Ouais. Mais par contre, on fait plein d'autres trucs. Et un soir, je suis parti pour une alarme feu, tout bête. Ouais. Et sur l'alarme, on arrive sur l'alarme et tout, on organise tout le matos. Et en fait, j'ai mon lacet de ma Rangers, parce que faut dire que je suis un peu Vincent Lagaffe. Et il y a mon lacet de Rangers que j'ai oublié de faire, et j'ai failli m'en coubler dedans. Du coup, je me suis baissé pour le refaire. Et il y a mon collègue qui a été faire l'observation un peu trop près du feu. Et à ce moment-là, il y a eu un backdraft. Et j'ai juste eu le réflexe de sauter sur mon collègue pour le mettre à terre. Et ça nous a sauvé la vie. On a ressemblé à des grosses guimauves grillées avec nos vestes. Ah putain, c'est ouf. Nos vestes nous ont sauvé la vie, nos casques nous ont sauvé la vie. Bien sûr. Toute notre équipe nous a sauvé la vie. Ah, t'es tapé un feu tout nu, généralement. Ah, ouais. Et non, à part quand t'es bourré, mais ouais. Même quand t'es bourré, t'arrives pas. En fait, c'est ça. Ah, je comprends. des histoires de dingue, hein. des réactions aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Continuez de réagir hein, dans tous les sens. C'est une vraie preuve voilà, sur la vie. Hein. C'est un coup dur hein, quand même quand ça t'arrive. Hein. Johan, tu te sens mieux toi aujourd'hui maintenant? Ah, bah oui, maintenant ça va, franchement ça va. Là. Voilà, oui, est-ce que tu profites de la vie davantage bah, en te disant, voilà, putain, j'aurais pu mourir maintenant, enfin voilà, faut y aller quoi. Ouais, c'est sûr que profiter de la vie, c'est quand même, comment dire, quand ça t'arrive, faut vraiment, quand tu croises la mort, faut vraiment profiter de la vie parce que c'est vraiment, ça te fait réfléchir à beaucoup de choses en fait. Quand tu vois la mort en face, t'as vraiment peur en fait. Eh ben merci pour ce message en tout cas. Ça t'a rendu plus prudent? Ouais, sûrement. Pour être honnête. Ah non, pas du tout. Pour de vrai, non. N'a pas retenu la leçon. Eh ben écoute, merci en tout cas, Yann. Je m'en ai plus avec mon frère pour le coup. Ouais, voilà, ouais, tu vas éviter parce qu'il porte la choumoune là. Salut Johan, salut Julien, salut. Yannick, Armand, merci beaucoup. Et Audrey est avec nous, 22 ans de Pau. Bonsoir Audrey. Salut Audrey. Bonsoir Karel, bonsoir le doc, bonsoir Alice. Salut Audrey, tu appelles pourquoi toi? Mais moi j'appelle parce que j'ai mon homme qui m'a posé un ultimatum, soit je perds mes kilos en trop, soit il me quitte. Ah ouais d'accord. Oh l'enfoiré. Ah oui, on peut dire ça ouais. Et je suis sûr que c'est pas le seul en plus qui fait ça. Hein. N'hésitez pas à nous dire les filles si votre mec il vous a déjà lancé un ultimatum comme ça. Voici Son of Legend en attendant, c'est Blue. Sound of Legend Blue sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. Wow. In. Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Tous ensemble, tous les soirs sur Fun Radio. Love in Fun au 01 42 48 5000 avec Audrey, 22 ans de Pau, qui nous appelle. Libre antenne avec toi, Audrey. T'es là, ma chérie? Oui, je suis là. Salut. Coucou tout le monde. Coucou. Salut. Raconte-nous, là, parce que c'est une histoire pas cool là, qui t'arrive. En fait, ça fait 2 ans que je suis avec mon homme. Et donc, ça fait à peu près 6 mois qu'on a emménagé ensemble. Et depuis ces 6 mois, j'ai pris 8 à 9 kilos, quoi. D'accord. Donc, monsieur, ça lui plaît pas trop. Il me lançait des petits pics dessus, sur ouais. mon poids. Et puis au final, il en est venu à un point où il m'a dit, bah, écoute, c'est plus possible maintenant, tu perds tes kilos ou sinon, bah, voilà, tu iras montrer tes kilos ailleurs. Quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Tu, est-ce que tu penses qu'il t'aime? Bah, étant donné que ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ouais, il y a un minimum quand même, je pense qu'il m'aime. Mais, tu peux me donner ton poids et ta taille, que je vois un peu... Allez, tes mensurations. Je fais 1m62 et là, je fais 69 kilos. D'accord, quel est ton bonnet ? Rien de dramatique. Pardon. Non, mais attends. Non, mais il n'y a rien de dramatique. En plus, bon, c'est vrai que ah oui, il n'y a rien de dramatique. Mais quand je l'ai connu, j'en faisais 59, quoi. Ah donc, ouais. J'ai pris. Voilà. Donc, en 6 mois, j'ai pris 10 kilos. Bon, effectivement, il y a eu un peu de laisser-aller. Mais après, ce n'est pas pour autant que. Comment tu prends la chose, là ? Tu vas les perdre ou tu ne vas pas les perdre ? Ah, mais j'aimerais les perdre, les kilos. J'essaye de faire en sorte, mais j'ai du mal à les perdre. Après, j'ai pas envie de perdre mon copain pour ça. Ça arrive souvent, hein, quand même, dans les couples comme ça. Bon, on vieillit, on change, et puis parfois, tu te retrouves plus avec la même personne. Enfin, oui, en même mais temps, je comprends ça. Mais quand on aime quelqu'un, on va pas quand même pour quelques kilos le quitter, ou alors on l'aime pas vraiment. Ou alors ce qu'il aime, effectivement, c'était exhiber une jolie nana et montrer qu'il avait une jolie fille dans sa vie. Ouais. Voilà, c'est vachement égoïste. C'est là où effectivement on se rend compte que l'autre peut être un objet. Hein. Comme le mec peut avoir une très belle bagnole, il a une très jolie fille, il la montre, il l'exhibe, il est fier, et puis d'un seul coup, elle a pris un peu de poids, elle n'est pas forcément moche, mais bon, elle a changé, donc du coup, ça ne lui plaît plus parce qu'il a peur du regard des autres. Mm. Donc là, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'amour. Mm. Bon, et moi, c'est tout. Moi, je ne te dirais pas qu'il ne faut pas les perdre, je te dirais simplement que tu dois lui poser la bonne question. Voilà. Te sentir bien dans ta peau, ça c'est important. Alice, tu te retrouves dans la même situation que Audrey, t'as pris un petit peu de poids, ton mec il t'assume plus en fait. Bah, il me dit de perdre 10 kilos, moi je vais chercher un McDo direct, hein. Je prends 10 de plus et puis après on verra ce qu'il fait. Ah non, franchement. Après, je pense que si moi-même je me sens pas spécialement bien, parce que ça se trouve c'est ça, on n'a pas exclu le fait qu'il veut peut-être qu'elle perde du poids parce qu'il se rend compte qu'elle est différente d'avant, peut-être qu'elle n'a plus confiance en elle ou qu'elle le vit mal. Si moi je le vis mal, je les perds, mais certainement pas pour lui. Non, mais si c'est ça, je comprends bien, mais tu vas pas en plus rajouter une couche sur la tartine en disant je te quitte. Ah bah non, si jamais tu perds pas toi. Donc ça prouve bien qu'il n'en a rien à faire. Alors je vais te donner un petit conseil. Tu veux vraiment le perdre ? Simplement des choses simples. En deux mots, tu prends quoi dans la journée ? Tu manges quoi ? J'essaye de pas manger trop. Non, mais je te demande pas d'essayer ou pas essayer, mais... je te demande ce que tu manges. Parce que quand on commence à dire j'essaye, on est mal barré. Ben déjà, je crois que j'ai un gros torse et que je déjeune pas le matin. Donc ça c'est faux, ça n'a pas été prouvé dans cause d'obésité. Ah ouais, on s'en fout en fait de manger le matin. Je grignote, mais voilà, tu grignotes quoi ? Tu grignotes quoi ? Du pain avec un bout de fromage ou. Alors, il faut déjà que tu arrêtes tout ce qui est sucre. Il faut que tu arrêtes le pain pendant un temps. Tout ce qui est sucré, tout ce qui est sucré. Le régime hyperproductif a toujours fait son effet. Et les fruits trop sucrés. Déjà, tu commences par ça. Et déjà, ça va certainement, ça va t'aider à apprendre. Alors, je peux pas donner tous les détails. Tu trouves ça un peu partout. Il y a des médecins qui ont décrit ces régimes sans glucides, sans sucre rapide, sans sucre lent. Et ça peut t'aider. Bien sûr, une autre chose importante, c'est l'exercice. Il faut que tu te mettes à courir, ma grande. T'es jeune. Tu vas te faire 10 km 2-3 fois par semaine. Allez, ma grande. Et ça va t'aider, allez, ça cocotte, va t'aider à te motiver. Ouais, bah oui, faut y aller. Si tu aimes courir, s'il faut faire ça, de la natation par exemple aussi. Bon. Mais c'est très important. Mais surtout, la question, n'oublie pas, c'est est-ce qu'il tient vraiment à moi ? Bah oui. Alors, d'accord. Est-ce que. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on le fasse, Audrey. Est-ce qu'on peut pas lui passer un petit coup de téléphone ? Oui, pourquoi pas, ouais. Tant qu'à faire, autant essayer, peut-être. Bah on peut le faire. Tu l'as laissé le téléphone au standard? On lui passe un petit coup de téléphone à ton mec. D'accord, ouais, on va faire ça. Au moins, tu seras fixé. C'est parti. Ouais. Il s'appelle comment, ton Cédric. Cédric, on y va. Appelle tout de suite. On va lui dire qu'il est en direct. On est cash. Cash, il faut être cash. Allô, Cédric. Ouais. Bonsoir, c'est ta radio préférée, c'est Fun Radio. Bonsoir. Salut, Cédric. Ça va, Cédric ? Je suis malade. Salut, ouais, ça va. Bienvenue sur Fun Radio. Tu es dans l'émission Love in Fun. Yeah. D'accord, je m'appelle Karel, il y a Doc qui est là, c'est un médecin. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle ? Du tout, mais j'ai bien fait le savoir, je pense. Mais t'as une copine ? Ouais, bah forcément. Audrey, tu l'aimes ? Non, bah heureusement. Tu l'aimes vraiment ? Oui, pourquoi ? Elle t'a trompé. Ouais. Non, elle t'a pas trompé, mais elle nous a appelé. Elle nous a appelé parce qu'il paraît qu'elle a pris quelques kilos supplémentaires et que tu lui aurais mis un ultimatum. Oh putain, c'est chier. Ah bah ouais, non, mais c'est vrai ou faux ? 10 kilos, je sais pas si t'appelles ça quelques kilos, quoi. Non, mais c'est pas ça le problème. Oh, mais ça va ! Tu vas te détendre ! Non, mais est-ce que tu lui as bien mis un ultimatum ? Est-ce que c'était sérieux ? Ah ouais, non, ouais, franchement, faut qu'elle les perde, ça lui va pas du tout. Attends, réponds à ma question. Ça veut dire que si elle perd pas ses kilos, tu la quittes ? En gros, ouais, c'est ça. Ah ouais ? Et tu l'aimes ? Bah ouais, mais bon, écoute. Ouais, mais tu... Là, j'écoute quoi ? Mais j'écoute tu aimes pas, son apparence plus qu'autre chose, en fait. Finalement. Bah, ça, c'est compliqué à répondre, au final, quoi. Mais est-ce que attends, je te pose la question. Est-ce que quand t'es dans la rue avec ta meuf, t'as honte de t'afficher à côté d'elle ? Non, du tout. Je tiens la main, y a pas de problème. Je fais des bisous en public, y a pas de problème. Mais moi, j'ai dit ça, c'est pour elle, en fait. Non, c'est pour toi. Ça c'est clair, c'est écrit du cœur. Moi, je te pose une question, Doc. Comment il faut, parce que quand t'as pris un petit peu de poids, t'es pas très très bien dans ta peau, et quand t'es le mec d'une nana qui a pris un petit peu de poids, tu sais peut-être pas trop non plus comment réagir et comment la faire avancer. Alors des fois, tu peux lui faire des petites réflexions, tu veux l'encourager. Il faut pas prendre ça de fond. Ce genre, il faut pas lui dire tu me plais plus parce que t'as grossi, parce que ça c'est dégueulasse. Ouais. Et quand on aime quelqu'un, on l'aime pas pour des caractéristiques physiques, on n'aime pas pour le tour de poitrine, pour les fesses et les cuisses. On l'aime parce que on a une vraie relation avec elle. Et ça, tu l'as pas. Visiblement, tu l'as pas. Parce que toi, tu aimes l'apparence, n'est-ce pas ? Je me trompe ou pas ? Non, oui, l'apparence compte beaucoup quand même. Oui, bien sûr, on a compris. Alors, est-ce que tu lui as proposé, par exemple, de faire de l'exercice, d'aller courir avec elle, de l'accompagner ? J'avais proposé de marcher, mais qu'il se passe pour marcher. Non, mais il faut qu'elle refasse un peu d'exercice. Je lui ai donné des conseils pour. Parce qu'il y a beaucoup de régimes qui sont assez simples, notamment ceux qui excluent tous les glucides, les sucres rapides et tout ça. Mais tu n'as rien fait de tout ça. Tu as dit. Et puis elle essaye en plus. Et tu te rends compte dans quelle situation tu la mets ? Ouais, elle doit être mal placée, c'est clair. Bah, elle est mal dans sa peau, quoi. Non, mais attends, déjà, elle a du mal à accepter ça. Très bien. Toi, t'enfonces le clou. Tu lui mets la tête dedans. Est-ce que tu peux essayer d'être cool ? Bah, être cool, oui, quand même. Parce que, pendant pas mal de temps, quand même. Non, d'accord. Écoute, si tu l'aimes, tu l'aimes. Mais si tu l'aimes superficiellement, ça, c'est toi. On peut pas changer. Non, je l'aime pas superficiellement, ça, c'est sûr. Mais le problème, c'est que j'ai dit déjà plusieurs fois gentiment pour que ça passe bien quand même comme il faut. Mais elle est comme elle. Je peux te poser une question. Tu pèses combien, toi ? Moi, là, je fais 80, à peu près 97, à peu près. 90, d'accord. Bon, tu mesures combien ? Ouais, c'est... Je fais 1,87. Ah, t'es pas mince, mon coco. Ah, ancien footballeur américain. Ouais, donc t'as des grosses cuisses et des poignées d'amour. Ah. On peut s'accrocher après. Alors toi, t'as le droit d'être un peu gros, mais pas elle. C'est comme tu veux. Bon, je suis pas rond, moi. Ça va encore. Non, mais ok. Bon. Non, mais bon, voilà. Écoute, pose-toi la bonne question. Est-ce que je l'aime vraiment ? Arrête de lui mettre la pression. C'est la vraie question. Et sois un peu sympa pour l'aider. N'essaye pas de l'enfoncer. Ouais, parce que si elle est comme ça aussi, c'est peut-être parce qu'elle est pas heureuse avec toi. Il y a aussi un peu de ça. Eh ouais. Parfois, on se laisse aller parce que dans la relation, c'est pas non plus Écoute, le pied. Quand tu crées. Ah, mais non, c'est l'inverse, hein. Ça se passe très bien, et justement. Non, mais attends, tu lui mets de l'incertitude sur votre relation, tu ne l'oublies pas. Et ça, une fille peut avoir du mal à l'accepter. Parce que justement, elles se sentent pas en sécurité avec toi. On te fait des gros bisous. Pas de sécurité affective. Hein. Bien sûr. Pas des coups de poing. Ouais. On te fait des gros bisous en tout cas, Audrey. On va te repasser ton mec hors antenne, d'accord, ma chérie ? Oui. D'accord. Bon, j'espère que la conversation qu'on a eue avec lui, ça va t'aider un petit peu. Hein. Tu me tiens au courant. Ouais. On te fait des gros bisous. Ouais. Salut. Bisous. Salut Audrey. Le chiffre d'Alice dans un instant. Les endroits les plus fous. Et ouais. De dingue. Les endroits les plus fous. On a fait l'amour. Bah, bien sûr. Les lieux publics. On va tout savoir dans un instant avec l'équipe, bien sûr, et puis surtout vous tous là au standard 01 42 48 5000. Armand, notre auditeur du soir, bien sûr, qui nous dira tout aussi. Et Cachemire avec Wildcard dans 3 minutes. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love Fun Radio. Bon, la famille, tout est prêt. On est OK pour le casse du siècle, Christina. Leggings spécial infiltration, check. Elliot. Logiciel de piratage de données, check. Vacher. Bonnet sur la tête comme les gangsters pour pas attraper froid, check. Ouais, je vais peut-être devoir renforcer mon équipe avec quelques recrues, moi. T'as répété ce speech, avoue-le. Toute la semaine prochaine, rejoins mon équipe pour participer au casse du siècle. Ça va se passer le vendredi 30 septembre dans les entrepôts de Cdiscount, le numéro 1 du e-commerce. Y a quelqu'un qui sait comment on met une cagoule ? Je crois que je l'ai mise à l'envers, en fait. J'arrive pas à respirer. Je panique !

chiffre d'Alice. Dans Love in Fun sur Fun Radio. Et ça réagit beaucoup hein, pendant l'émission dans Love in Fun avec vos messages sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Salut aussi ceux qui sont connectés sur le Snapchat de l'émission. Il y a Gaëtan, Tonio, Mimi, Elodie, Vilex, Screen et Colline qui nous envoie un petit snap là. Elle est en train de réviser là ses contrôles de mathématiques, je crois. Bon courage à vous en tout cas et merci d'être avec nous. Vous soyez quoi que vous fassiez, vous avez choisi la bonne radio, la bonne émission Fun Radio Love in Fun. Et on parle ce soir de ton chiffre, Alice. On parle de faire l'amour dans des lieux publics. Et oui, parce que 29% des gens ont déjà fait l'amour dans un lieu public, les coquinous. C'est tout ? Bah ouais. 29%, ouais, c'est 29% l'avouent, en tout cas. Alors, il y a peut-être qui n'ont pas pu faire autrement. Bon, ça. Mais sinon, il y a quand même une caractéristique dans le fait de le faire dans un lieu public, voire avec des spectateurs, c'est l'exhibitionnisme. C'est-à-dire qu'il y a, chez certains, il y a une forme d'exhibitionnisme. Ils ont besoin d'être vus, ça les excite terriblement. Donc, ils vont faire en sorte d'être vus. Il y a des endroits à Paris où ça se faisait comme ça. C'était dans les bagnoles, c'était à la Porte Dauphine, il y a longtemps. Ils se tripotaient, ils faisaient des choses dans la bagnole. Il y a des mecs qui venaient autour regarder. Mais non, oh là, les vieux mateurs, quoi, sans déconner. Oh, c'est... Et t'as encore des photos de cette époque-là? Non, non, j'ai... Quand t'étais autour de la voiture C'était à l'époque bien, où t'avais ton... Non, je prenais bien garde. Non, j'ai jamais été comme ça. Moi, je suis pas du tout exhibitionniste. Non, mais tu battais, on disait doc. Non, j'ai jamais... moi, partout et tout ça, c'est pas mon truc. Mais bon, je juge pas les gens qui le font, c'est comme ça. Et je crois que... En général. Attends, je suis obligé de te couper, mais tu viens de dire partout et tout. C'est pas mon truc. Je juge pas les gens. Et il y a ton fils derrière qui se marre. Genre, il se fout de ta gueule. Parce que lui, il se rappelle des soirées au château. Tu m'as déjà vu faire des trucs comme ça, toi? Mais tu peux dire ça? Non, moi j'ai rien dit, c'est un menteur qui a... Non, c'est pas vrai. Il était vraiment en train de se marrer. Non, mais je le dis, attends, j'ai même pas de jugement de valeur sur ça, c'est-à-dire que je ne juge pas négativement les gens qui ont fait ça. Okay. Je voulais que vous compreniez bien. Simplement, je dis, voilà, c'est tout, moi je suis... En relation, dans l'intimité. Voilà, scène. Voilà. Après, tu dis exhibitionnisme, maté, etc. Il y en a aussi. Enfin, vous dire, moi, ça m'est arrivé comme ça. Et ah oui, mais quand tu peux pas faire autrement. Non, mais voilà, c'est ça. Dans un champ, par exemple, en pleine nature, mais en ça, Bretagne, pas... à côté oui, de la mer. Bon, ça, au milieu des champs de blé, il faut déjà aller voir avec une caméra. C'est pas facile. C'est pas mal. Dites-nous en tout cas si vous l'avez fait, vous. Alors, il y a beaucoup de réactions. Madison est avec nous. 21 ans d'Épernay. Alors, qu'est-ce que ça baise à Épernay? Hein, Madison? Dans le champagne. Bonsoir, Madison. Salut. Alors, tu l'as fait où, toi? Je l'ai fait, enfin, j'en ai eu beaucoup, mais celui que j'ai dit, c'est surtout dans les escaliers, dans un lycée. Dans un lycée? Dans ton bahut? Ah, oh, putain, c'est énorme. Mais ça. Là, c'est pas d'exhibitionniste, c'est-à-dire que c'est par manque de lieu. Oui, mais oui. Voilà, là, c'est justement ouais, c'est ça, dans ça. Les lieux publics. Dans les chiottes de ton bahut, quoi. Non, tu l'as pas fait dans non, les chiottes. Non, pas dans les escaliers. Pas dans les... Aussi, je l'ai aussi fait dans les chiottes. J'ai fait devant un gymnase et dans les escaliers du lycée. Et je me suis fait tout le lycée. Dans les toilettes, faut aimer. Hein. Ah ouais, dans les toilettes. Non, c'est chaud. C'est pas terrible. C'est surtout, c'est dégueulasse, non? Non, ça va, c'était des toilettes qui venaient d'être construites parce qu'ils venaient construire des nouveaux bâtiments. Mais... D'accord. Donc ils étaient assez propres. Mais et c'est excitant quand même de le faire dans des endroits comme ça. Hein. Pas du tout. Ah, t'as pas aimé, toi? Non, franchement. Ah, donc non. C'est le mec qui te forçait quand même un peu, un petit peu. Entre guillemets, oui. Ah ouais, donc ça c'est pas cool. Tu sais que t'as le droit de dire non hein, dans ces cas-là. Oui, je sais bien, mais bon, enfin, j'avais envie de lui, mais on n'avait pas d'endroit comme ça ouais, dans tous les ça, cas. Ça c'est quand même fréquent. D'accord, donc dans le bahut pour Madison, pour Amélie, 28 ans de Laval. Salut Amélie. Amélie qui n'est pas là, donc John est avec nous. Bonsoir John. Bonsoir Karel, bonsoir la Doc, bonsoir l'équipe. Comment vous allez? Ça va bien John, t'as 18 ans, t'es à Nîmes. C'est exactement. Ouais. On est chaud dans le sud de la France. Ah ouais, non, mais laisse tomber des blondes, ça suce. Tu peux répéter ce que tu viens de dire là? Les blondes, ça suce. Waouh. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Mais en qu'est-ce que c'est que ces clichés là? Parce qu'une clichés, blonde sucerait mieux qu'une brune. Je suis pas d'accord. Non, c'est pas une brune. Châtain, blonde. Ouais, je suis plus sur les blondes. Ok, pourquoi. John. Bon, alors. Et les rousses. Tu l'as fait, tes fantasmes, oui, d'accord. Tu l'as fait où, John? Alors, moi, ouais, je l'ai fait dans le souterrain chez ma copine. Je l'ai fait sur les rails. Enfin, pas sur les rails, mais à côté des rails derrière chez moi. Mais il y a beaucoup de monde qui passe, qui est une petite cabane, donc il y a beaucoup de gamins qui passent. Je l'ai fait aussi dans mon bahut, quand j'étais au collège et quand j'étais au lycée. Je l'ai fait sur le parking de la poste, dans la voiture de la mère à ma copine. Je l'ai fait derrière le parking de Carrefour Market. Dans le chariot. Dis-moi, tu aimes bien qu'on te voit, alors? Ah ouais. Non, j'aime pas ça, mais manque de lieu, comme t'as besoin de baiser, tu prends le premier endroit un peu dit. Ouais. Et tu t'es déjà fait... dans le bus. Tu t'es déjà dans le bus, ouais, un classique. Tu t'es déjà fait griller ou pas? Non, jamais. Jamais. Ah, si, en cours, peut-être. Ah, quoi, enfin, c'était un voisin. Mais en fait, si tu veux, c'était plutôt des attouchements, tu vois ce que je veux dire. D'accord, elle te touchait la top, quoi. Ouais, et, voilà. Et vice versa. Ok, tranquille. Ouais, ouais, vice versa, tranquille. Fin... Ok, et tu t'es fait griller la main dans le sac. Ouais, par un voisin, il voulait balancer, mais il a été cool. D'accord, donc il a trop rien dit. Et depuis maintenant? Ouais, depuis, bah, là, ça va, ça s'est calmé, mais mes envies sexuelles, c'est redescendu. Ça a commencé à 14 ans, ça s'est fini à 17 ans, quoi. D'accord, depuis, tu ne fais plus l'amour maintenant, ça y est, c'est terminé. Bah, de temps en temps, tu vois, quand j'ai un petit plan par-ci par-là, ouais, il n'y a pas de souci, mais sinon après, non. Comme là, il n'y a pas de plan, c'est dommage. Et plutôt les blondes, c'est ça. Ah, Alice. Ouais, surtout les rousses aussi. Alice, toi, tu l'as fait où, toi? Les endroits un peu particuliers, je l'ai fait dans une salle d'attente d'un médecin, ça me fait penser à Doc. Salle d'attente d'un médecin, je l'ai fait au Subway. Attends. Salle d'attente, c'était pas dans les horaires de consultation. Bah en fait, c'était un peu particulier, mais il y avait que moi à ce moment-là dans la salle d'attente, mais il y avait médecin. Non, pas avec le médecin, bien évidemment. Mais il y avait une petite arrière-salle, en fait, ce qui faisait que si quelqu'un ouvrait la porte, tu voyais la personne arriver et t'avais le temps de te remettre l'air de rien, genre je prends un magazine, quoi. La vidéo sur funradio.fr, n'hésitez pas, on a retrouvé ces images. Merci à tout le monde. Et Madison, bon. John, vous raccrochez pas. On va terminer l'émission avec Jimmy, la 16 ans de Besançon, pour la question de l'internat. Bonsoir, Jimmy. Salut, Jimmy. Ouais. Salut. Dis donc, vous êtes pas grand monde là à l'internat là ce soir. Bah on est genre il y a l'armée Sandy là et vient du coup on est en train de faire l'appel dehors. D'accord, j'ai rien compris. Il y a l'alarme incendie qui vient sonner. D'accord, ok. Et tu peux l'activer là, l'alarme incendie là en direct? Genre là ils viennent de l'arrêter, donc on va pas trop faire l'appel. Là ils font l'appel pour prendre à l'internat. D'accord, ok. Alors okay. T'es à l'internat CFA Vauban, c'est ça, hein? Ouais, CFA Vauban Besançon. CFA Vauban Besançon. C'est quoi la question que tu voulais poser ce soir, Jimmy, avec tes potes? Est-ce que tu sais, c'est trompé. Non, mais c'est un débat. C'est une relation sexuelle, oui. C'est une relation sexuelle et bien sûr que c'est trompé. Tu rigoles? Ou quoi? Ah bah ça dépend, bah oui. Il y en a qui considèrent que c'est pas trompé. Ça dépend ce que tu suces. Si tu suces ton pouce, bien sûr, oui. Non mais moi, pour moi, c'est trompé aussi. Bah oui, sucer le pouce, ouais. Non mais. Non mais. Ouais, ouais. Jimmy, t'es toujours puceau? Non. Enfin, c'est ce que tu dis à tes potes. Attendez juste deux secondes, parce que après, c'est pas les gueules. Il y a le principal. Deux secondes. Et est-ce que tu peux nous le passer? Non mais il va se virer. Vas-y. Passe-nous ton principal. Ah. Il y a là, il se fait dessus là. Hey, Jimmy. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense Jimmy, ça aurait été un moment sympathique sur Fun Radio, mais il nous a quitté. T'es là, Jimmy? T'es là. Restez toujours en ligne. C'est quelqu'un d'autre, c'est il a passé le téléphone. C'est un pote. Restez en ligne, Jimmy est dans la merde. C'est ça. Jimmy est en train de se faire défoncer. C'est ça. Parce qu'il est passé sur Fun Radio. Celui qui a pris le téléphone, t'es là? Oui, tout à fait, je vous entends. Je suis l'assistant de Jimmy. L'assistant de Jimmy, t'es là ou pas? Ouais, l'assistant de Jimmy, il est là. T'es planqué sous le lit ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Jimmy, là? Jimmy, non, il se fait défoncer? Qu'est-ce qui se passe, alors? Bah, on ne le saura pas, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a... Oui, bon, bref. Non, mais alors, bien sûr, la question de l'internat au fil des capotes, parce que c'est un jeu dangereux. Hein. Ça fait une semaine qu'on a lancé le truc, et ça y est, il y en a déjà qui ne passeront pas... La fin de l'année. La fin de l'année, exactement. Merci beaucoup à tout le monde. Jamais remercié Armand, surtout il est là notre auditeur du soir, Armand, bien sûr. Oui. T'es là, mon Armand? Mais oui, je suis là, Karel. Ah, Armand, qui, je le rappelle, est riche et cherche... Non, riche de projet. C'est pas parce que je suis suisse. Que je suis riche. Non, mais t'as raison. Riche de projet. Ok, on a du chocolat, on a des montres, on a pas mal de choses, du fromage, du vrai fromage à raclette. Des comptes en banque. Les Parisiens, de toute façon, vous en parlez pas. Hein, vous mangez pas le fromage de toute façon à Paris. Vous mangez du miel, c'est tout. c'est quoi ces a priori? Ah, Armand, on va pas faire le clash France-Suisse. Hein. Je te le dis direct. Oh, non, est-ce que tu veux passer un petit message dans toute la France? Profite. Ah ben, je salue toutes les personnes qui m'ont reconnu ce soir sur Fun Radio. Et puis, Karel, quand tu passes, ou le Doc, hein, ou Alice, hein, si vous passez par Genève, et ben, vous venez me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Avec grand plaisir. Alors, merci pour l'invitation. Grave, j'espère que t'auras des trucs gratos à nous offrir. Du fromage, du chocolat. Moi, je ferai pas mal de choses aux Français, vous êtes tellement pauvres en plus. Ouais, bravo. Je félicite. Salut. Bravo. Il est content, Doc. Ah ouais, bien sûr. Salut Armand. Salut à toi. Merci beaucoup. On va retrouver les filles. Le Night Show sur Fun Radio. Bonsoir les filles. Bonsoir.